La Radiodiffusion Télévision Française et la Société des Comédiens Français vous présentent en seconde diffusion La Fosse Suivante ou Le Fourbe Puni, comédie en trois actes de Marivaux, et La Coupe Enchantée, un acte de Jean de La Fontaine et Champmélé, sous la direction artistique de Jacques Régnier et présenté par Jacques Dapoigny. Marivaux, auteur à succès du XXe siècle. Parce que Diderot avait inventé le mot marivaudage et que Voltaire avait écrit « C'est un homme qui passe sa vie à peser des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée », les critiques sérieux du XIXe siècle ont pensé qu'ils se devaient à eux-mêmes de mépriser sa futilité. J'en ai lu un qui lui reproche de prendre une feuille de rose et de la découper en 20 morceaux. C'est fort gracieux, mais il était peut-être inutile d'essayer d'avoir de l'esprit où Voltaire était passé. Évidemment, la carrière posthume d'un auteur dramatique est pleine de vicissitudes. L'on dira qu'il en est de même pour toute renommée, ballottée sur les vagues de la postérité, sans doute. Cependant, il est des renommées qui se figent, qui se momifient et n'y perdent rien. Tandis que la gloire d'un auteur dramatique ne saurait plus être que toute scolaire si elle ne reste pas bien vivante. De génération en génération, il lui faut renouveler sa victoire sur l'ennemi vivant, le public d'une salle de spectacle. Et l'on sait que la meilleure recette pour s'assurer ce succès est de laisser une œuvre éternellement humaine. Molière y a fort bien réussi. Marivaux semble avoir été moins heureux, puisque ce n'est qu'après une longue éclipse qu'il brille aujourd'hui de tout son éclat. N'exagérons rien. Il ne faut pas croire que Marivaux a fait, aussitôt après sa mort, un plongeon dans l'oubli de la postérité, dont on ne le vit ressortir que tout récemment au bout de la rue de Richelieu. N'oublions pas qu'il dut sa première résurrection à Mademoiselle Contat, qui le fit inscrire au répertoire du Théâtre de la République en 1794, 95 et 96. Puis, Mademoiselle Mars se remit en honneur en 1833 jusqu'à sa retraite. La chaîne fut renouée par Madeleine Brohan, Sarah Bernard, Madame Barthet, Madame Cerny. Et c'est bien au talent des acteurs de la Comédie française que l'on doit de voir Marivaux prendre une grande place parmi nos auteurs contemporains. Oui, contemporains. Puisqu'il faut avouer que le culte du passé n'est pas si fort qu'il puisse remplir un théâtre, et qu'une bonne part du public qui fait salle comble à la double inconstance découvre Marivaux. On admet encore de lire un livre par respect. Mais au théâtre, le respect n'engendre que bâillement. On y exige le plaisir immédiat que seul fait naître une œuvre vivante. Comment l'œuvre de Marivaux serait-elle encore vivante si elle ne portait sa part d'humanité éternelle? On ne la lui dispute plus, c'est vrai, mais on l'a niée. Et le fait que certaines générations aient pu la nier semble assez étonnant. Mais prenons garde à deux choses. D'abord aux dates que j'ai citées. Mademoiselle Contat joue Marivaux de 1794 à 1796. Mademoiselle Mars le reprend en 1833, c'est-à-dire pendant la Révolution, et pendant cette autre Révolution qui, pour être littéraire, n'en était pas moins fort bruyante, le romantisme. Voilà, je pense, une preuve suffisante de l'humanité éternelle de Marivaux. Une œuvre ancienne, dénuée de rapprochement possible avec les événements du jour, doit être d'une solide étoffe pour traverser de telles époques. Par contre, second point, j'ai marqué chaque reprise de Marivaux du nom d'une actrice célèbre. Et on lit dans le journal de Collet, à l'année 1765, cette phrase « Mademoiselle Gossin et Mademoiselle d'Angeville ont ressuscité le préjugé vaincu que Mademoiselle Husse et Mademoiselle Fannier ont remis au tombeau l'année passée. » Ne faut-il pas en conclure que le mécanisme des pièces de Marivaux est si délicat qu'on ne peut le confier qu'à des mains expertes? Molière gagne, évidemment, à être bien joué. Mais il supporte de l'être mal. On peut confier le médecin malgré lui à qui l'on voudra. J'ai vu en province, par suite d'un accident comme il en arrive dans les tournées, jouer le premier acte du Misanthrope en veston après un raccord rapide. La salle était fort satisfaite. Est-ce que la proportion de génie dévolue à chacun des deux auteurs est en cause ici? Je ne le pense pas. Je crois simplement que Molière était acteur et Marivaux ne l'était pas. Pour ce qui est de l'humanité profonde de Marivaux, notre époque ne doit pas se vanter cependant de l'avoir découverte. l'auteur d'un tableau historique de l'esprit et du caractère des littérateurs français, écrit en 1785, Marivaux pouvait être nommé le plus humain des hommes. Des gens de son siècle avaient donc, sinon pleinement apprécié, du moins entrevu. Mais c'est Voltaire qui a fait autorité pour le siècle suivant. En tout état de cause, il reste encore beaucoup à découvrir dans Marivaux, et les comédiens français vont nous y aider aujourd'hui, en jouant pour la première fois la fausse suivante, qui n'avait connu jusqu'à ce jour d'autre interprétation que celle des comédiens italiens. À sa création, en 1724, elle remporta le succès. Elle eut 13 représentations, ce qui était alors mieux qu'honorable. Elle méritait de n'être pas oubliée. Les comédiens français vont le prouver. Et non seulement le public en goûtera le charme, mais il y trouvera une surprise. Il y entendra... Mais ce ne sera plus une surprise si je l'annonce. Disons seulement qu'il y entendra, dans la bouche de Trivelin, l'écho d'un des personnages les plus célèbres du répertoire. Au fait, écho est un terme bien impropre lorsqu'il s'agit des paroles d'un personnage qui ne doit paraître que 51 ans plus tard. Mais je n'ose pas dire que le personnage célèbre sera l'écho de Trivelin. Je ne sais donc quel mot employer. Voici quelle sera la distribution de la fausse suivante, ou le fourbe puni. Frontin, Robert Manuel. Arlequin, Jean Piat. Trivelin, Teddy Bilis. Lélio, la voix de Roland Alexandre. Le chevalier, René Faure. La comtesse, Marie Sabouret. La scène est en province, devant le château de la comtesse. Je pense que voilà le seigneur Trivelin. C'est lui-même. Et comment te portes-tu, mon cher ami? À merveille, mon cher Frontin, à merveille. Je n'ai rien perdu des vrais biens que tu me connaissais. Santé admirable et grand appétit. Mais toi, que fais-tu à présent? Je t'ai vu dans un petit négoce qui t'allait bientôt rendre citoyen de Paris. L'as-tu quitté? Je suis culbuté, mon enfant. Mais toi-même, comment la fortune t'a-t-elle traité depuis que je ne t'ai vu? Comme tu sais qu'elle traite tous les gens de mérite. Cela veut dire très mal. Oui. Je lui ai pourtant une obligation. C'est qu'elle m'a mis dans l'habitude de me passer d'elle. Je ne sens plus ses disgrâces, n'envie point ses faveurs, et cela me suffit. Un homme raisonnable n'en doit pas demander davantage. Je ne suis pas heureux, mais je ne me soucie pas de l'être. Voilà ma façon de penser. Diantre, je t'ai toujours connu pour un garçon d'esprit et d'une intrigue admirable, mais je n'aurais jamais soupçonné que tu deviendrais philosophe. Malpeste que tu es avancé. Tu méprises déjà les biens de ce monde. Doucement, mon ami, doucement. Ton admiration me fait rougir. J'ai peur de ne la pas mériter. Le mépris que je crois avoir pour les biens n'est peut-être qu'un beau verbiage. Et, à te parler confidemment, je ne conseillerais encore à personne de laisser les siens à la discrétion de ma philosophie. J'en prendrai, Frontin, je le sens bien, j'en prendrai à la honte de mes réflexions. Le cœur de l'homme est un grand fripon. Et là, je ne saurais nier cette vérité-là sans blesser ma conscience. Je ne la dirai pas à tout le monde, mais je sais bien que je ne parle pas à un profane. Et dis-moi, mon ami, qu'est-ce que c'est que ce paquet-là que tu portes? C'est le triste bagage de ton serviteur. Ce paquet enferme toutes mes possessions. On ne peut pas les accuser d'occuper trop de terrain. Depuis 15 ans que je roule dans le monde, tu sais combien je me suis tourmenté. Combien j'ai fait d'efforts pour arriver à un état fixe. J'avais entendu dire que les scrupules nuisaient à la fortune. Je fis trêve avec les miens pour n'avoir rien à me reprocher. Était-il question d'avoir de l'honneur? J'en avais. Fallait-il être fourbe? J'en soupirais, mais j'allais mon train. Je me suis vu quelquefois à mon aise, mais le moyen d'y rester avec le jeu, le vin et les femmes. Comment se mettre à l'abri de ces fléaux-là? Cela est vrai. Que te dirais-je enfin? Tantôt maître, tantôt valet, toujours prudent, toujours industrieux, ami des fripons par intérêt, ami des honnêtes gens par goût, traité poliment sous une figure, menacé des trivières sous une autre, changeant à propos de métier, d'habit, de caractère, de mœurs, risquant beaucoup, résistant peu, libertin dans le fond, réglé dans la forme, démasqué par les uns, soupçonné par les autres, à la fin équivoque à tout le monde, j'ai tâté de tout. Je dois partout. Mes créanciers sont de deux espèces. Les uns ne savent pas que je leur dois. Les autres le savent. Et seront longtemps. J'ai logé partout. Sur le pavé, chez l'aubergiste, au cabaret, chez le bourgeois, chez l'homme de qualité, chez moi. Chez la justice qui m'a souvent recueilli dans mes malheurs. Mais ces appartements sont trop tristes et je n'y faisais que des retraites. Enfin, mon ami, après 15 ans de soins, de travaux et de peines, ce malheureux paquet est tout ce qui me reste. Voilà ce que le monde m'a laissé, l'ingrat, après ce que j'ai fait pour lui. Tous ses présents, pas une pistole. Ne t'afflige point, mon ami. L'article de ton récit qui m'a paru le plus désagréable, ce sont les retraites de chez la justice. Mais ne parlons plus de cela. Tu arrives à propos. J'ai un parti à te proposer. Cependant, qu'as-tu fait depuis 2 ans que je ne t'ai vu? D'où sors-tu à présent? Primo, depuis que je ne t'ai vu, je me suis jeté dans le service. Je t'entends, tu t'es fait soldat. Mais ne serais-tu pas déserteur par hasard? Non, mon habit d'ordonnance était une livrée. Oh bien. Avant que de me réduire tout à fait à cet état humiliant, je commençais par vendre ma garde-robe. Toi? Une garde-robe? Oui. C'était 3 ou 4 habits que j'avais trouvés convenables à ma taille chez les fripiers et qui m'avaient servi à figurer en honnête homme. Je crus devoir m'en défaire pour perdre de vue tout ce qui pouvait me rappeler ma grandeur passée. Quand on renonce à la vanité, il n'en faut pas faire à 2 fois. Qu'est-ce que c'est que ce ménager des ressources? Point de quartier, je vendis tout. Ce n'est pas assez? J'allais tout boire. Fort bien. Oui, mon ami. J'eus le courage de faire 2 ou 3 débauches salutaires qui me vidèrent ma bourse et me garantirent ma persévérance dans la condition que j'allais embrasser. De sorte que j'avais le plaisir de penser en m'enivrant que c'était la raison qui me versait à boire. Oh, quel nectar! Ensuite, un beau matin, je me trouvais sans un sou. Comme j'avais besoin d'un prompt secours et qu'il n'y avait point de temps à perdre, un de mes amis que je rencontrais me proposa de me mener chez un honnête particulier qui était marié et qui passait sa vie à étudier des langues mortes. Cela me convenait assez car j'ai de l'étude. Je restais donc chez lui. Là, je n'entendis parler que de science et je remarquai que mon maître était épris de passion pour certains quidam qu'il appelait des anciens et qu'il avait une souveraine antipathie pour d'autres qu'il appelait des modernes. Je me fis expliquer tout cela. Et qu'est-ce que c'est que les anciens et les modernes? Des anciens. Attends, il y en a un dont je sais le nom et qui est le capitaine de la bande. C'est comme qui te dirait un Homère. Connais-tu cela? Non. C'est dommage, car c'était un homme qui parlait bien grec. Il n'était donc pas français, cet homme-là? Oh, que non! Je pense qu'il était de Québec, quelque part dans cette Égypte, et qu'il vivait du temps du déluge. Nous avons encore de lui de fort belles satires, et mon maître l'aimait beaucoup, lui et tous les honnêtes gens de son temps, comme Virgile, Néron, Plutarque, Ulysse et Diogène. Je n'ai jamais entendu parler de cette race-là, mais voilà de vilains noms. De vilains noms? Si tu n'y es pas accoutumé. Sais-tu bien qu'il y a plus d'esprit dans ces noms-là que dans le royaume de France? Je le crois. Et que veulent dire les modernes? Tu m'écartes de mon sujet, mais n'importe. Les modernes, c'est comme qui dirait... toi, par exemple. Ah. Je suis un moderne, moi? Oui, vraiment. Tu es un moderne. Et des plus modernes. Il n'y a que l'enfant qui vient de naître qui l'est plus que toi, car il ne fait que d'arriver. Et pourquoi ton maître nous haïssait-il? Parce qu'il voulait qu'on eût 4000 ans sur la tête pour valoir quelque chose. Moi, pour gagner son amitié, je mis à admirer tout ce qui me paraissait ancien. J'aimais les vieux meubles, je louais les vieilles modes, les vieilles espèces, les médailles, les lunettes. Je me coiffais chez les crieuses de vieux chapeaux, je n'avais commerce qu'avec des vieillards. Il était charmé de mes inclinations. J'avais la clé de la cave, où logeait un certain vin vieux qu'il appelait son vin grec. Il m'en donnait quelquefois, et j'en détournais aussi quelques bouteilles, par amour louable pour tout ce qui était vieux. Non que je négligeasse le vin nouveau. Je n'en demandais point d'autre à sa femme, qui vraiment estimait bien autrement les modernes que les anciens. Et par complaisance pour son goût, j'en emplissais aussi quelques bouteilles, sans lui en faire ma cour. La merveille! Qui n'aurait pas cru que cette conduite aurait dû me concilier ces deux esprits? Point du tout! Ils s'aperçurent du ménagement judicieux que j'avais pour chacun d'eux. Ils m'en firent un crime. Le mari crut les anciens insultés par la quantité de vin nouveau que j'avais bu. Il m'en fit mauvaise mine. La femme me chicana sur le vin vieux. J'eus beau m'excuser, les gens de parti n'entendent point raison. Il fallut les quitter pour avoir voulu me partager entre les anciens et les modernes. Avais-je tort? Non. Tu avais observé toutes les règles de la prudence humaine. Mais je ne puis en écouter davantage. Je dois aller coucher ce soir à Paris où l'on m'envoie. Et je cherchais quelqu'un qui tint ma place auprès de mon maître pendant mon absence. Veux-tu que je te présente? Frida! Et qu'est-ce que c'est que ton maître? Fait-il bonne chair? Car dans l'état où je suis, j'ai besoin d'une bonne cuisine. Tu seras content. Tu serviras la meilleure fille. Oh. Pourquoi donc l'appelles-tu ton maître? Oh, foin de moi, je ne sais ce que je dis. Non, je rêve à autre chose. Tu me trompes, Frontin. Ma foi, oui, Trivelin. C'est une fille habillée en homme dont il s'agit. Je voulais te le cacher, mais la vérité m'est échappée et je me suis blousé comme un sot. Sois discret, je te prie. Je le suis dès le berceau. C'est donc une intrigue que vous conduisez tous deux ici, cette fille-là et toi? Oui. Cachons-lui son rang. Hé, la voilà qui vient! Retire-toi à l'écart, afin que je lui parle. D'accord. Eh bien, m'avez-vous trouvé un domestique? Oui, mademoiselle, j'ai rencontré... Oh, vous m'impatientez avec votre demoiselle. Ne sauriez-vous m'appeler monsieur? Je vous demande pardon, mademoiselle. Je veux dire monsieur. J'ai trouvé un de mes amis qui est fort brave garçon. Il sort actuellement de chez un bourgeois de campagne qui vient de mourir, et il est là. Et qui attend que je l'appelle pour vous offrir ses respects? Vous n'avez peut-être pas eu l'imprudence de lui dire qui j'étais. Oh, monsieur, mettez-vous l'esprit en repos. Je sais garder un secret, pourvu qu'il ne m'échappe pas. Souhaitez-vous que mon ami s'approche? Je le veux bien, mais partez sur le champ pour Paris. Je n'attends que vos dépêches. Je ne trouve point à propos de vous en donner, vous pourriez les perdre. Oh. Ma sœur à qui je les adressais pourrait les égarer aussi. Et il n'est pas besoin que mon aventure soit sue de tout le monde. Voici votre commission, écoutez-moi. Vous direz à ma sœur qu'elle ne soit point en peine de moi, qu'à la dernière partie de bal où mes amis m'amenèrent dans le déguisement où me voilà, le hasard me fit connaître le gentilhomme que je n'avais jamais vu, qu'on disait être encore en province, et qui est ce Lélio, avec qui, par lettre, le mari de ma sœur a presque arrêté mon mariage. Que surprise de le trouver à Paris sans que nous le sussions, et le voyant avec une dame, je résolus sur le champ de profiter de mon déguisement pour me mettre au fait de l'état de son cœur et de son caractère. Qu'enfin, nous liâmes amitié ensemble, aussi promptement que les cavaliers peuvent le faire, et qu'il m'engagea à le suivre le lendemain à une partie de campagne chez la dame avec qui il était et qu'un de ses parents accompagnait. Que nous y sommes actuellement, que j'ai déjà découvert des choses qui méritent que je les suive avant que de me déterminer à épouser Lélio. Que je n'aurai jamais d'intérêt plus sérieux. Partez, ne perdez point de temps. Faites venir ce domestique que vous avez arrêté. Dans un instant, j'irai voir si vous êtes bien parti. Je regarde le moment où j'ai connu Lélio comme une faveur du ciel dont je veux profiter, puisque je suis ma maîtresse et que je ne dépends plus de personne. L'aventure où je me suis mise ne surprendra point ma sœur. Elle sait la singularité de mes sentiments. J'ai du bien, il s'agit de le donner avec ma main et mon cœur. Ce sont de grands présents et je veux savoir à qui je les donne. Le voilà, monsieur. Garde-moi le secret, Trivelin. Je te le rendrai mot pour mot comme tu me l'as donné, quand tu voudras. Approchez. Comment vous appelez-vous? Comme vous voudrez, monsieur. Bourguignon, champagne, Poitevin, Picard, tout cela m'est indifférent. Le nom sous lequel j'aurai l'honneur de vous servir sera toujours le plus beau nom du monde. Sans compliment, quel est le tien, à toi? Je vous avoue que je ferai quelques difficultés de le dire, parce que dans ma famille, je suis le premier du nom qui n'est pas disposé de la couleur de son habit. Mais peut-on porter rien de plus galant que vos couleurs? Il me tarde d'en être chamarré sur toutes les coutures. Qu'est-ce que c'est que ce langage-là? Il m'inquiète. Cependant, monsieur, j'aurai l'honneur de vous dire que je m'appelle Trivelin. C'est un nom que j'ai reçu de père en fils, très correctement, et dans la dernière fidélité, et de tous les Trivelins qui furent jamais, votre serviteur en ce moment s'estime le plus heureux. Laissez-la vos politesses. Un maître ne demande à son valet que l'attention dans ce qu'il l'emploie. Son valet? Le terme est dur. Il frappe mes oreilles d'un son disgracieux. Ne purgera-t-on jamais le discours de tous ces noms odieux? La délicatesse est singulière. De grâce, ajustons-nous. Convenons d'une formule plus douce. Il se moque de moi. Vous riez, je pense. C'est la joie que j'ai d'être à vous qui l'emporte sur la petite mortification que je viens d'essuyer. Je vous avertis, moi, que je vous renvoie et que vous ne m'êtes bon à rien. Je ne vous suis bon à rien? Oh, ce que vous dites là ne peut pas être sérieux. Cet homme-là est un extravagant. Retirez-vous. Non, vous m'avez piqué. Je ne vous quitterai point. Que vous ne soyez convenu avec moi que je suis bon à quelque chose. Retirez-vous, vous dis-je. Vous attendrai-je? Nulle part. Je ne vous dis non point. Le temps passe et nous ne décidons rien. Savez-vous bien, mon ami, que vous risquez beaucoup? Je n'ai pourtant qu'un écu à perdre. Ce coquin-là m'embarrasse. Il faut que je m'en aille. Tu me suis? Vraiment, oui. Je soutiens mon caractère. Ne vous ai-je pas dit que j'étais opiniâtre? Insolent! Cruel. Comment cruel? Oui, cruel. C'est un reproche tendre que je vous fais. Continuez, vous n'y êtes pas. J'en viendrai jusqu'au soupir. Vos rigueurs me l'annoncent. Je ne sais plus que penser de tout ce qu'il me dit. Ah ah! Vous rêvez, mon cavalier. Vous délibérez. Votre ton baisse, vous devenez traitable. Nous nous accommoderons, je le vois bien. La passion que j'ai de vous servir est sans quartier. Premièrement, cela est dans mon sang, je ne saurais me corriger. Il me prend envie de te traiter comme tu le mérites. Fille, ne gesticulez point de cette manière-là. Ce geste-là n'est point de votre compétence. Laissez-là cette arme qui vous est étrangère. Votre œil est plus redoutable que ce fer inutile qui vous pend aux côtés. Je suis trahi. Masque, venons au fait. Je vous connais. Toi? Oui, Frontin vous connaissait pour nous deux. Coquin! Et t'a-t-il dit qui j'étais? Il m'a dit que vous étiez une fille, et voilà tout. Et moi, je l'ai cru, car je ne chicane sur la qualité de personne. Puisqu'il m'a trahi, il vaut autant que je t'instruise du reste. Voyons, pourquoi êtes-vous dans cet équipage-là? Ce n'est point pour faire du mal. Je le crois bien. Si c'était pour cela, vous ne déguiseriez pas votre sexe. Ce serait perdre vos commodités. Il faut le tromper. Je t'avoue que j'avais envie de te cacher la vérité parce que mon déguisement regarde une dame de condition, ma maîtresse, qui a des vues sur un monsieur Lélio, que tu verras, et qu'elle voudrait détacher d'une inclination qu'il a pour une comtesse à qui appartient ce château. Et quelle espèce de commission vous donne-t-elle auprès de ce Lélio L'emploi me paraît gaillard, soubrette de mon âme. Point du tout. Ma charge sous cet habit-ci est d'attaquer le cœur de la comtesse. Je puis passer, comme tu vois, pour un assez joli cavalier, et j'ai déjà vu les yeux de la comtesse s'arrêter plus d'une fois sur moi. Si elle vient à m'aimer, je la ferai rompre avec Lélio. Il reviendra à Paris, on lui proposera ma maîtresse qui y est, elle est aimable, il la connaît, et les noces seront bientôt faites. Parlons à présent à rez-de-chaussée. As-tu le cœur libre? Oui. Et moi aussi. Ainsi, de compte arrêté, cela fait deux cœurs libres, n'est-ce pas? Sans doute. Ergo, je conclus que nos deux cœurs soient désormais camarades. Bon. Et je conclus encore, toujours aussi judicieusement, que deux amis devant s'obliger en tout ce qu'ils peuvent, tu m'avances 2 mois de récompense sur l'exacte discrétion que je promets d'avoir. Mmh. Je ne parle point du service domestique que je te rendrai sur cet article. C'est à l'amour à me payer mes gages. Tiens, voilà déjà 6 louis d'or d'avance pour ta discrétion, et en voilà déjà 3 pour tes services. J'ai assez de cœur pour refuser ces 3 derniers louis-là. Mais, donne, la main qui me les présente étourdit ma générosité. Ah, voici, monsieur Lélio, retire-toi et va t'en attendre à la porte de ce château où nous logeons. Souviens-toi, ma friponne, à ton tour, que je suis ton valet sur la scène et ton amant dans les coulisses. Tu me donneras des ordres en public et des sentiments dans le tête-à-tête. Voilà Lélio plongé dans une grande rêverie. Vous m'avez l'air d'un bon vivant. Mon air ne vous ment pas d'un mot et vous êtes fort bon physionomiste. Harlequin. Oh, chevalier, je vous cherchais. Mais qu'avez-vous, Lélio? Je vous vois enveloppé dans une distraction qui m'inquiète. Je vous dirai ce que c'est. Harlequin, n'oublie pas d'avertir les musiciens de se rendre ici tantôt. Oui, monsieur. Allons boire pour faire aller notre amitié plus vite. Allons, la recette est bonne. J'aime assez votre manière de hâter le cœur. Eh bien, mon cher, de quoi s'agit-il? Qu'avez-vous? Puis-je vous être utile à quelque chose? Très utile. Parlez. Êtes-vous mon ami? Oh, vous méritez que je vous dise non, puisque vous me faites cette question-là. Ne te fâche point, chevalier, ta vivacité m'oblige. Mais passe-moi cette question-là, j'en ai encore une à te faire. Voyons. Es-tu scrupuleux? Je le suis raisonnablement. Voilà ce qu'il me faut. Tu n'as pas un honneur malentendu sur une infinité de bagatelles qui arrêtent les sauts. Si, voilà un vilain début. Par exemple, un amant qui dupe sa maîtresse pour se débarrasser d'elle, en est-il moins honnête homme à ton gré? Quoi? Il ne s'agit que de tromper une femme. Oh, non, vraiment. De lui faire une perfidie. Rien que cela. Oh, je croyais pour le moins que tu voulais mettre le fait à une ville. Oh, comment donc? Trahir une femme, mais c'est avoir une action glorieuse par devers soi. Parbleu, puisque tu le penses sur ce ton-là, je te dirai que je n'ai rien à me reprocher. Et sans vanité, tu vois un homme couvert de gloire. Toi, mon ami, oh, je te prie, donne-moi le plaisir de te regarder à mon aise. Laisse-moi contempler un homme chargé de crimes si honorables. Ah, petit traître, vous êtes bien heureux d'avoir de si brillantes indignités sur votre compte. Tu me charmes de penser ainsi. Viens que je t'embrasse. Oh, ma foi, à ton tour, tu m'as tout l'air d'avoir été l'écueil de bien des cœurs. Fripon, combien de réputations as-tu blessé à mort dans ta vie? Combien as-tu désespéré d'Ariane? Dis. Hélas, tu te trompes. Je ne connais pas d'aventure plus commune que les miennes. J'ai toujours eu le malheur de ne trouver que des femmes très sages. Tu n'as trouvé que des femmes très sages? Où diantre t'es-tu fourré? Tu as fait là des découvertes bien singulières. Après cela, qu'est-ce que ces femmes-là gagnent à être si sages? Il n'en est ni plus ni moins. Sommes-nous heureux? Nous le disons. Ne le sommes-nous pas? Nous mentons. Cela revient au même pour elles. Quant à moi, j'ai toujours dit plus de vérité que de mensonge. Tu traites ces matières-là avec une légèreté qui m'enchante. Revenons à mes affaires. Quelques jours, je te dirai de mes expiègleries qui te feront rire. Tu es un cadet de maison et par conséquent, tu n'es pas extrêmement riche. Hein? C'est raisonné juste. Bon, tu es beau et bien fait. Devine à quel dessein je t'ai engagé à nous suivre avec tous tes agréments. C'est pour te prier de vouloir bien faire ta fortune. J'exauce ta prière. Mais à présent, dis-moi la fortune que je vais faire. Il s'agit de te faire aimer de la comtesse et d'arriver à la conquête de sa main par celle de son cœur. Tu badines, ne sais-je pas que tu l'aimes, la comtesse? Non, je l'aimais ce jour passé, mais j'ai trouvé à propos de ne plus l'aimer. Quoi? Lorsque tu as pris de l'amour et que tu n'en veux plus, il s'en retourne comme cela sans plus de façon? Tu lui dis va-t'en et il s'en va? Mais mon ami, tu as un cœur impayable. En fait d'amour, j'en fais assez ce que je veux. J'aimais la comtesse parce qu'elle est aimable. Je devais l'épouser parce qu'elle est riche et que je n'avais rien de mieux à faire. Mais dernièrement, pendant que j'étais amateur, on m'a proposé en mariage une demoiselle de Paris, que je ne connais point, et qui me donne 12 000 livres de rente. La comtesse n'en a que 6. J'ai donc calculé que 6 valait moins que 12. Oh, l'amour que j'avais pour elle pouvait-il honnêtement tenir bon contre un calcul si raisonnable? Cela aurait été ridicule. 6 doivent reculer devant 12, n'est-il pas vrai? Tu ne réponds rien. Oh, que diantre veux-tu que je réponde à une règle d'arithmétique? Il n'y a qu'à savoir compter pour voir que tu as raison. C'est cela même. Mais qu'est-ce qui t'embarrasse là-dedans? Faut-il tant de cérémonies pour quitter la comtesse? Il s'agit d'être infidèle, d'aller la trouver, de lui porter ton calcul, de lui dire « Madame, comptez vous-même et voyez si je me trompe, voilà tout. Bon, » peut-être qu'elle pleurera, qu'elle maudira l'arithmétique, qu'elle te traitera d'indigne, de perfide. Bon, cela pourrait t'arrêter un poltron, mais un brave homme comme toi, au-dessus des bagatelles de l'honneur, ce bruit-là l'amuse. Il écoute, s'excuse négligemment et se retire en faisant une révérence très profonde en cavalier poli, qui sait avec quel respect il doit recevoir en pareil cas les titres de fourbe et d'ingrat. Oh, parbleu, de ces titres-là, j'en suis fourni, et je sais faire la révérence. Madame la comtesse aurait déjà reçu la mienne s'il ne tenait plus qu'à cette politesse-là, mais il y a une petite épine qui m'arrête. C'est que, pour achever l'achat que j'ai fait d'une nouvelle terre il y a quelque temps, madame la comtesse m'a prêté 10 000 écus, dont elle a mon billet. Ah, tu as raison, c'est une autre affaire. Ça, je ne sache point de révérence qui puisse acquitter ce billet-là. Le titre de débiteur est bien sérieux, vois-tu. Celui d'un fidèle n'expose qu'à des reproches, l'autre à des assignations, ça est différent. Et ça, je n'ai point de recette pour ton mal. Oh, patience. Madame la comtesse croit qu'elle va m'épouser. Elle n'attend plus que l'arrivée de son frère. Et, outre la somme de 10 000 écus dont elle a mon billet, nous avons encore fait antérieurement à cela un dédit entre elle et moi de la même somme. Si c'est moi qui romps avec elle, je lui devrais le billet, le dédit. Et je voudrais bien ne payer ni l'un ni l'autre. M'entends-tu? L'honnête homme. Oui, je commence à te comprendre. Voilà ce que c'est. Si je donne de l'amour à la comtesse, tu crois qu'elle aimera mieux payer le dédit en te rendant ton billet de 10 000 écus que de t'épouser, de façon que tu gagneras 10 000 écus avec elle. N'est-ce pas cela? Tu entres, on ne peut pas mieux dans mes idées. Elles sont très ingénieuses, très lucratives et dignes de couronner ce que tu appelles tes espiègleries. En effet, l'honneur que tu as fait à la comtesse en soupirant pour elle vaut 10 000 écus comme un sou. Oui, mais elle n'en donnerait pas cela si je m'en fie à son estimation. Mais crois-tu que je puisse surprendre le cœur de la comtesse? Je n'en doute pas. Je me suis aperçu qu'elle aime ta compagnie. Elle te loue souvent, te trouve de l'esprit. Il n'y a qu'à suivre cela. Je n'ai pas une grande vocation pour ce mariage-là. Pourquoi? Par 1000 raisons. Parce que je ne pourrais jamais avoir de l'amour pour la comtesse. Si elle ne voulait que de l'amitié, je serais à son service. Mais n'importe. Mais qu'est-ce qui te prie d'avoir de l'amour pour elle? Est-il besoin d'aimer sa femme? Si tu ne l'aimes pas, tant pis pour elle. Ce sont ses affaires et non pas les tiennes. Bon! Je croyais qu'il fallait aimer sa femme, fondée sur ce qu'on vivait mal avec elle quand on ne l'aimait pas. Mais tant mieux quand on vit mal avec elle. Cela vous dispense de l'avoir, c'est autant de gagner. Voilà qui est fait. Me voilà prêt à exécuter ce que tu souhaites. Si j'épouse la comtesse, j'irai me fortifier avec le brave Lélio dans le dédain qu'on doit à son épouse. Je t'en donnerai un vigoureux exemple, je t'en assure. Crois-tu par exemple que j'aimerais la demoiselle de Paris, moi? Une quinzaine de jours, d'autant plus. Après quoi? Je crois que j'en serais bien là. Oh, donne-lui le mois tout entier à cette pauvre femme, à cause de ses 12 000 livres de rente. Tant que le cœur m'en dira. T'a-t-on dit qu'elle fut jolie? On m'écrit qu'elle est belle, mais de l'humeur dont je suis, cela ne l'avance pas de beaucoup. Si elle n'est pas laide, elle le deviendra, puisqu'elle sera ma femme. Ça ne peut pas lui manquer. Mais dis-moi, une femme se dépite quelquefois? Eh bien, en ce cas-là, j'ai une terre écartée, qui est le plus beau désert du monde, où madame irait calmer son esprit de vengeance. Oh, dis que tu as un désert, à la bonne heure, voilà son affaire. Diantre! Oh, l'âme se tranquillise beaucoup dans une solitude. On y jouit d'une certaine mélancolie, d'une douce tristesse, d'un repos de toutes les couleurs. Il n'aura qu'à choisir. Elle sera la maîtresse. L'heureux tempérament. Mais j'aperçois la comtesse. Je te recommande une chose, feins toujours de l'aimer. Si tu te montrais inconstant, cela intéresserait sa vanité, elle courrait après toi et me laisserait là. Je me gouvernerais bien, je vais au-devant d'elle. Si j'avais épousé le seigneur Lélio, je serais tombée en de bonnes mains. Donner 12 000 livres de rente pour acheter le séjour d'un désert? Ah, vous êtes trop cher, monsieur Lélio. Et j'aurais mieux que cela au même prix. Mais puisque je suis en train, continuons pour me divertir et punir ce fourbe-là, et pour en débarrasser la comtesse. J'attendais nos musiciens, madame, et je cours les presser moi-même. Je vous laisse le chevalier. Il veut nous quitter. Oui, son séjour ici l'embarrasse. Je crois qu'il vous craint. Oh, cela est de bon sens et je ne m'en inquiète point. Je vous connais, mais il est mon ami, notre amitié doit durer plus d'un jour. Il faut bien qu'il se fasse au danger de vous voir. Je vous prie de le rendre plus raisonnable. Je reviens dans l'instant. Quoi, chevalier? Vous prenez de pareils prétextes pour nous quitter? Si vous nous disiez les véritables raisons qui pressent votre retour à Paris, on ne vous retiendrait peut-être pas. Oh, mes véritables raisons, comtesse. Ma foi, Lélio vous les a dites. Comment? Que vous vous défiez de votre cœur auprès de moi? Moi m'en défier, mais je m'y prendrai un peu tard. Est-ce que vous m'en avez donné le temps? Mais non, madame, le mal est fait. Il ne s'agit plus que d'en arrêter le progrès. En vérité, chevalier, vous êtes bien à plaindre. Et je ne savais pas que j'étais si dangereuse. Oh, que si! Je ne vous dis rien là dont tous les jours votre miroir ne vous accuse d'être capable. Il doit vous avoir dit que vous aviez des yeux qui violeraient l'hospitalité avec moi si vous m'ameniez ici. Mon miroir ne me flatte pas, chevalier. Parbleu, je l'en défie, il ne vous prêtera jamais rien. La nature y a mis bon ordre et c'est elle qui vous a flatté. Je ne vois point que ce soit avec tant d'excès. Comtesse, vous m'obligeriez beaucoup de me donner votre façon de voir. Car avec la mienne, il n'y a pas moyen de vous rendre justice. Vous êtes bien galant. Oh, je suis mieux que cela. Ce ne serait là qu'une bagatelle. Cependant, ne vous gênez point, chevalier. Quelque inclination, sans doute, vous rappelle à Paris. Et vous vous ennuieriez avec nous. Non, je n'ai point d'inclination à Paris si vous n'y venez pas. À l'égard de l'ennui, si vous saviez l'art de m'en donner auprès de vous, ne me l'épargnez pas, comtesse. C'est un vrai présent que vous me ferez. Ce sera même une bonté. Et cela vous passe si vous ne donnez que de l'amour. Voilà tout ce que vous savez faire. Je le fais assez mal. Nous ne pouvons avoir notre divertissement que tantôt, madame. Mais... En revanche, voici une noce de village dont tous les acteurs viennent pour vous divertir. Ton valet et le mien, chevalier, sont à la tête et mènent le branle. Me voici comme de moitié dans une intrigue assez douce et d'un assez bon rapport car il m'en revient déjà de l'argent et une maîtresse. Ce beau commencement-là promet encore une plus belle fin. Or, moi qui suis un habile homme, est-il naturel que je reste ici les bras croisés? Ne ferai-je rien qui hâte le succès du projet de ma chère suivante? Si je disais au seigneur Léliot que le cœur de la comtesse commence à capituler pour le chevalier, il se dépiterait plus vite et partirait pour Paris, où on l'attend. Je lui ai déjà témoigné que je souhaiterais avoir l'honneur de lui parler. Mais le voilà qui s'entretient avec la comtesse. Attendons qu'il ait fini avec elle. Non, monsieur, je ne vous comprends. Vous liez amitié avec le chevalier, vous me l'amenez, vous voulez ensuite que je lui fasse mauvaise mine. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Vous m'avez dit vous-même que c'était un homme aimable, amusant. Effectivement, j'ai jugé que vous aviez raison. Effectivement. Cela est donc bien effectif. Eh bien, je ne sais que vous dire, mais voilà un effectivement qui ne devrait pas se trouver là, par exemple. Par malheur, il s'y trouve. Vous me raillez, madame. Voulez-vous que je respecte votre antipathie pour effectivement? Est-ce qu'il n'est pas bon français? L'a-t-on proscrit de la langue? Non, madame, mais il marque que vous êtes un peu trop persuadée du mérite du chevalier. Il marque cela. Oh, il a tort. Et le procès que vous lui faites est raisonnable. Mais vous m'avouerez qu'il n'y a pas de mal à sentir suffisamment le mérite d'un homme quand le mérite est réel. Et c'est comme j'en use avec le chevalier. Tenez, sentir est encore une expression qui ne vaut pas mieux. Ah. Oui, sentir est trop. C'est connaître qu'il faudrait dire. Je suis d'avis de ne dire plus mot et d'attendre que vous m'ayez donné la liste des termes sans reproche que je dois employer. Je crois que c'est le plus court. Il n'y a que ce moyen-là qui puisse me mettre en état de m'entretenir avec vous. Mais madame, faites grâce à mon amour. Supportez donc mon ignorance. Je ne savais pas la différence qu'il y avait entre connaître et sentir. Sentir, madame, c'est le style du cœur. Et ce n'est pas dans ce style-là que vous devez parler du chevalier. Écoutez, le vôtre ne m'amuse point. Il est froid, il me glace, Et si vous voulez même, il me rebute. Bon, je retirerai mon billet. Mais quittons-nous, croyez-moi. Je parle mal, vous ne répondez pas mieux. Cela ne fait pas une conversation bien amusante. Allez vous rejoindre le chevalier. Ah. Lélio, pour prix des leçons que vous venez de me donner, je vous avertis moi qu'il y a des moments où vous feriez bien de ne pas vous montrer. Entendez-vous? Vous me trouvez donc bien insupportable. Épargnez-vous ma réponse. Vous auriez à vous plaindre de la valeur de mes termes, je le sens bien. Et moi, je sens que vous vous retenez. Vous me diriez de bon cœur que vous me haïssez. Non, mais je vous le dirai bientôt si cela continue. Et cela continuera sans doute. Il semble que vous le souhaitez. Vous ne feriez pas languir mes souhaits. Vous me désolez, madame. Je me retiens, monsieur, je me retiens. Arrêtez, comtesse. Vous m'avez fait l'honneur d'accorder quelques retours à ma tendresse. Oh, le beau détail où vous entrez là. Le dédit même qui est entre nous. Eh bien, ce dédit vous chagrine, il n'y a qu'à le rompre. Que ne me disiez-vous cela sur le champ? Il y a une heure que vous biaisez pour arriver là. Le rompre? J'aimerais mieux mourir. Ne m'assure-t-il pas votre main? Hey, qu'est-ce que c'est que ma main sans mon cœur? J'espère avoir l'un et l'autre. Pourquoi me déplaisez-vous donc? En quoi ai-je pu vous déplaire? Vous auriez de la peine à le dire vous-même. Vous êtes jaloux, premièrement. Et morbleu, madame, quand on aime! Oh, quel emportement! Peut-on s'empêcher d'être jaloux? Autrefois, vous me reprochiez que je ne l'étais pas assez. Vous me trouviez trop tranquille. Me voici inquiet et je vous déplais. Achevez, monsieur, concluez que je suis une capricieuse. Voilà ce que vous voulez dire. Je vous entends bien. Le compliment que vous me faites est digne de l'entretien dont vous me régalez depuis une heure. Et après cela, vous me demandez en quoi vous me déplaisez. Ah, l'étrange caractère. Mais je ne vous appelle pas capricieuse, madame. Je dis seulement que vous vouliez que je fusse jaloux. Aujourd'hui, je le suis. Pourquoi le trouvez-vous mauvais? Eh bien, vous direz encore que vous ne m'appelez pas fantasme. De grâce, répondez. Non, monsieur. On n'a jamais dit à une femme ce que vous me dites là. Je n'ai vu que vous dans la vie qui m'y ait trouvé si ridicule. Je chercherai volontiers à qui vous parlez, madame. Car ce discours-là ne peut pas s'adresser à moi. Fort bien. Me voilà devenue visionnaire à présent. Continuez, monsieur, continuez. Vous ne voulez pas rompre le dédit, cependant c'est moi qui ne veux plus. N'est-il pas vrai? Que d'industrie pour vous sauver d'une question fort simple à laquelle vous ne pouvez répondre. Oh, je n'y saurais tenir. Capricieuse, ridicule, visionnaire et de mauvaise foi. Le portrait est flatteur. Je ne vous connaissais pas, monsieur Lélio, je ne vous connaissais pas. Vous m'avez trompé. Je vous passerai de la jalousie, je ne parle pas de la vôtre, elle n'est pas supportable. C'est une jalousie terrible, odieuse, qui vient du fond du tempérament, du vice de votre esprit. Ce n'est pas délicatesse chez vous, c'est mauvaise humeur naturelle, c'est précisément caractère. Oh, ce n'est pas là la jalousie que je vous demandais. Je vous laisse une inquiétude douce, qui a sa source dans un cœur timide et bien touché, qui n'est qu'une louable méfiance de soi-même. Avec cette jalousie-là, monsieur, on ne dit point d'invectives aux personnes que l'on aime. On ne les trouve ni ridicules, ni fourbes, ni fantasques. On craint seulement de n'être pas toujours aimé parce qu'on ne se croit pas digne de l'être. Mais cela vous passe. Ces sentiments-là ne sont pas du ressort d'une âme comme la vôtre. Chez vous, c'est des emportements, des fureurs ou pur artifice. Vous soupçonnez injurieusement, vous manquez d'estime, de respect, de soumission. Vous vous appuyez sur un dédit, vous fondez vos droits sur des raisons de contrainte. Un dédit, monsieur Lélio, des soupçons. Vous appelez cela de l'amour? C'est un amour à faire peur. Adieu. Encore un mot. Vous êtes en colère, mais vous reviendrez. Car vous m'estimez, dans le fond. Soit, j'en estime tant d'autres. Je ne regarde pas cela comme un grand mérite d'être estimable. On n'est que ce qu'on doit être. Pour nous accommoder, accordez-moi une grâce. Hein? Vous m'êtes cher. Le chevalier vous aime. Ayez pour lui un peu plus de froideur. Insinuez-lui qu'il nous laisse, qu'il s'en retourne à Paris. Lui insinuer qu'il nous laisse. C'est-à-dire lui glisser tout doucement une impertinence qui me fera tout doucement passer dans son esprit pour une femme qui ne sait pas vivre. Non, monsieur. Vous m'en dispenserez, s'il vous plaît. Toute la subtilité possible n'empêchera pas un compliment d'être ridicule quand il l'est. Vous me le prouvez par le vôtre. C'est un avis que je vous insinue tout doucement pour vous donner un petit essai de ce que vous appelez manière insinue. Allons, allons, ça va très rondement. Je pousserai les 12 000 livres de rente. Oh, mais voilà le valet du chevalier. Il m'a paru tantôt que tu avais quelque chose à me dire. Oui, monsieur. Pardonnez à la liberté que je prends. L'équipage où je suis ne prévient pas en ma faveur. Cependant, tel que vous me voyez, il y a là-dedans le cœur d'un honnête homme, avec une extrême inclination pour les honnêtes gens. Je le crois. Moi-même, et je le dis avec un souvenir modeste, moi-même, autrefois, j'ai été du nombre de ces honnêtes gens. Mais vous savez, monsieur, à combien d'accidents nous sommes sujets dans la vie. Le sort m'a joué. Il en a joué bien d'autres. L'histoire est remplie du récit de ses mauvais tours. Prince, héros, il a tout malmené. Et je me console de mes malheurs avec de tels confrères. Tu m'obligerais de retrancher tes réflexions et de venir au fait. Les infortunés sont un peu babillards, monsieur. Ils s'attendrissent aisément sur leurs aventures. Mais je coupe court. Ce petit préambule me servira, s'il vous plaît, à m'attirer un peu d'estime et donnera du poids à ce que je vais vous dire. Soit. Vous savez que je fais la fonction de domestique auprès de monsieur le chevalier. Oui. Je ne demeurerai pas longtemps avec lui, monsieur. Son caractère donne trop de scandale au mien. Et que lui trouves-tu de mauvais? Oh, que vous êtes différent de lui. À peine vous ai-je vu, vous ai-je entendu parler, que j'ai dit en moi-même, oh, oh, quelle âme franche, que de netteté dans ce cœur-là. Tu vas encore t'amuser à mon éloge et tu ne finiras point. Monsieur, la vertu vaut bien une petite parenthèse en sa faveur. Venons donc au reste à présent. De grâce, souffrez qu'auparavant nous convenions d'un petit article. Parle. Je suis fier. Mais je suis pauvre. Qualités, comme vous jugez bien, très difficiles à accorder l'une avec l'autre, et qui pourtant ont la rage de se trouver presque toujours ensemble. Voilà ce qui me passe. Poursuis. À quoi nous mène ta fierté et ta pauvreté? Elle nous mène à un combat qui se passe entre elles. La fierté se défend d'abord à merveille, mais son ennemie est bien pressante. Bientôt, la fierté plie, recule, fuit, et laisse le champ de bataille à la pauvreté, qui ne rougit de rien, et qui sollicite en ce moment votre libéralité. Je t'entends. Tu me demandes quelque argent pour récompense de la vie que tu vas me donner. Vous y êtes. Mmh. Les âmes généreuses ont cela de bon, qu'elles devinent ce qu'il vous faut et vous épargnent la honte d'expliquer vos besoins, que cela est bon. Je conçois ce que tu me demandes, à une condition à mon tour. C'est que le secret que tu m'apprendras vaudra la peine d'être payé. Et je serai de bonne foi là-dessus. Dis à présent. Pourquoi faut-il que la rareté de l'argent ait ruiné la générosité de vos pareils? Quelle misère! Mais n'importe. Votre équité me rendra ce que votre économie me retranche, et je commence. Vous croyez le chevalier votre intime et fidèle ami, n'est-ce pas? Oui, sans doute. Erreur. En quoi donc? Vous croyez que la comtesse vous aime toujours? J'en suis persuadé. Erreur, trois fois erreur. Comment? Oui, monsieur. Vous n'avez ni ami ni maîtresse. Quel brigandage dans ce monde! La comtesse ne vous aime plus. Le chevalier vous a escamoté son cœur. Il l'aime, il en est aimé. C'est un fait, je le sais, je l'ai vu, je vous en avertis. Faites-en votre profit et le mien. Et dis-moi, as-tu remarqué quelque chose qui te rende sûr de cela? Monsieur, on peut se fier à mes observations. Tenez, je n'ai qu'à regarder une femme entre deux yeux, je vous dirai ce qu'elle sent et ce qu'elle sentira, le tout à une virgule près. Tout ce qui se passe dans son cœur s'écrit sur son visage, et j'ai tant étudié cette écriture-là que je la lis tout aussi couramment que la mienne. Par exemple, tantôt, pendant que vous vous amusiez dans le jardin à cueillir des fleurs pour la comtesse, je raccommodais près d'elle une palissade, et je voyais le chevalier sautillant, rire et folâtrer avec elle. « Que vous êtes badin, lui disait-elle, en souriant négligemment à ses enjouements. Tout autre que moi n'aurait rien remarqué dans ce sourire-là. » C'était un chiffre. Savez-vous ce qu'il signifiait? Que vous m'amusez agréablement, chevalier. Que vous êtes aimable dans vos façons. Ne sentez-vous pas que vous me plaisez? Oui, cela est bon, mais rapporte-moi quelque chose que je puisse expliquer, moi qui ne suis pas si savant que toi. En voici, qui ne demande nulle condition. Le chevalier continuait, lui volait quelques baisers dont on se fâchait et qu'on n'esquivait pas. « Laissez-moi donc, disait-elle avec un visage indolent qui ne faisait rien pour se tirer d'affaire, qui avait la paresse de rester exposé à l'injure. Mais en vérité, vous n'y songez pas, ajoutait-elle ensuite. Et moi, tout en raccommodant ma palissade, j'expliquais ce « vous n'y songez pas » et ce « laissez-moi donc ». Et je voyais que cela voulait dire « courage, chevalier ». Encore un baiser sur le même ton. Surprenez-moi toujours, afin de sauver les bienséances. Je ne dois consentir à rien, mais si vous êtes adroit, je n'y saurais que faire, ce ne sera pas ma faute. Oui, dame, hein, c'est quelque chose que des baisers. Voici le plus touchant. Oh, la belle main, s'écria-t-il ensuite. Souffrez que je l'admire. Il n'est pas nécessaire. De grâce, je ne veux point. Ce nonobstant, la main est prise, admirée, caressée, cela va tout de suite. Arrêtez-vous, point de nouvelles, un coup d'éventail par là-dessus. Coup galant qui signifie ne lâchez point. L'éventail est saisi, nouvelle piraterie sur la main contient. L'autre vient à son secours, autant de prix encore par l'ennemi. Mais je ne vous comprends point, finissez donc. Vous en parlez bien à votre aise, madame. Alors la comtesse de s'embarrasser, le chevalier de la regarder tendrement, elle de rougir, lui de s'animer, elle de se fâcher sans colère, lui de se jeter à ses genoux sans repentance, elle de pousser honteusement un demi-soupir, lui de riposter effrontément par un soupir tout entier, et puis vient du silence, et puis des regards qui sont bien tendres, et puis d'autres qui n'osent pas l'être, et puis... Qu'est-ce que cela signifie, monsieur? Vous le voyez bien, madame. Levez-vous donc, me pardonnez-vous. Oh, je ne sais. Le procès en était là quand vous êtes venu. Mais je crois maintenant les parties d'accord. Qu'en dites-vous? Je dis que ta découverte commence à prendre forme. Commence à prendre forme? Et jusqu'où prétendez-vous donc que je la conduise pour vous persuader? Je désespère de la pousser jamais plus loin. J'ai vu l'amour naissant. Quand il sera grand garçon, j'aurai beau l'attendre auprès de la palissade, au diable s'il est bien badiné. Or, il grandira, s'il n'est déjà grandi, car il m'a paru aller bon train, le gaillard. Fort bon train, ma foi. Que dites-vous de la comtesse? Ne l'auriez-vous pas épousée sans moi? Si vous aviez vu de quel air elle abandonnait sa main blanche au chevalier. En vérité, te paraissait-il qu'elle y prit goût? Oui, monsieur. On dirait qu'il en prend aussi, lui. Eh bien, trouvez-vous que mon avis mérite salaire? Sans difficulté. Tu es un coquin. Sans difficulté, tu es un coquin. Voilà un prélude de reconnaissance bien bizarre. Le chevalier te donnerait 100 coups de bâton si je lui disais que tu le trahis. Oh, ces coups de bâton que tu mérites, ma bonté te les épargne. Je ne dirai mot. Adieu. Tu dois être content. Te voilà payé. Je n'avais jamais vu une monnaie frapper à ce coin-là. Adieu, monsieur, je suis votre serviteur. Que le ciel veuille vous combler des faveurs que je mérite. De toutes les grimaces que m'a faites la fortune, voilà certes la plus comique. Me payer en exemption de coups de bâton. C'est ce qu'on appelle faire argent de tout. Je n'y comprends rien. Je lui dis que sa maîtresse le plante là, il me demande si elle y prend goût. Est-ce que notre faux chevalier m'en ferait à croire? Et seraient-ils tous deux meilleurs amis que je ne pense? Interrogeons un peu Arlequin là-dessus. Ah, te voilà, Arlequin! Où vas-tu? Voir s'il y a des lettres pour mon maître. Tu me parais occupé. À quoi? Est-ce que tu rêves? À des louis d'or. Diantre, tes réflexions sont de riche étoffe. Je te cherchais aussi pour te parler. Et que veux-tu de moi? T'entretenir de louis d'or. Encore des louis d'or, mais tu as une mine d'or dans la tête. Dis-moi, mon ami, où as-tu pris toutes ces pistoles que je t'ai vu tantôt tirer de ta poche? Pour payer la bouteille de vin que nous avons bu au cabaret du bourg. Je voudrais bien savoir le secret que tu as pour en faire. Mon ami, je ne pourrais guère te donner le secret d'en faire. Je n'ai jamais possédé que le secret de les dépenser. Oh, j'ai aussi un secret qui est bon pour cela, moi. Je l'ai appris au cabaret, en perfection. Oui, da, on fait son affaire avec du vin, quoique lentement. Mais en y joignant une pincée d'inclination pour le beau sexe, on réussit bien autrement. Oh, le beau sexe. On ne trouve point de cet ingrédient-là ici. Tu n'y demeureras pas toujours. Mais de grâce, instruis-moi d'une chose à ton tour. Ton maître et monsieur le chevalier s'aiment-ils beaucoup? Oui. Fils. Se témoignent-ils de grands empressements? Se font-ils beaucoup d'amitié? Ils se disent « Comment te portes-tu? À ton service. Et moi aussi, j'en suis bien aise. » Après cela, ils dînent et soupent ensemble, et puis « Bonsoir, je te souhaite une bonne nuit. » Et puis ils se couchent, et puis ils dorment. Et puis le jour vient. Est-ce que tu veux qu'ils se disent des injures? Non, mon ami. C'est que j'avais quelques petites raisons de te demander cela par rapport à quelque aventure qui m'est arrivée ici. Toi? Oui. J'ai touché le cœur d'une aimable personne et l'amitié de nos maîtres prolongera notre séjour ici. Et où est-ce que cette rare personne-là habite avec son cœur? Ici, te dis-je. Malpeste. C'est une affaire qui met de conséquence. Oh, quel plaisir! Elle est jeune? Je lui crois 19 à 20 ans. Oh, le tendron! Elle est jolie? Jolie. Quelle maigre épithète! Vous lui manquez de respect. Sachez que... elle est charmante, adorable, digne de moi. Oh, m'amour, friandise de mon âme. Et c'est de sa main mignonne que je tiens ces louis d'or dont tu parles, et que le don qu'elle m'en a fait me rend si précieux. Oh, je n'en puis plus. Il me divertit, je veux le pousser jusqu'à l'évanouissement. Ce n'est pas le tout, mon ami. Ses discours ont charmé mon cœur. De la manière dont elle m'a peint, j'avais honte de me trouver si aimable. M'aimerez-vous, me disait-elle, puis-je compter sur votre cœur? Oui, ma reine. À qui parles-tu? À elle, j'ai cru qu'elle m'interrogeait. Pendant qu'elle me parlait, ingénieuse à me prouver sa tendresse, elle fouillait dans sa poche pour en tirer cet or qui fait mes délices. Prenez, m'a-t-elle dit, en me le glissant dans la main. Et comme poliment, j'ouvrais ma main avec lenteur. Prenez donc, s'est-elle écriée. Ce n'est là qu'un échantillon du coffre-fort que je vous destine. Alors, je me suis rendu, car un échantillon ne se refuse point. Oh, mon ami, je tombe à tes pieds pour te supplier, en toute humilité, de me montrer seulement la face royale de cette incomparable fille, qui donne un cœur et des louis d'or du Pérou avec. Peut-être me fera-t-elle aussi présent de quelque échantillon. Je ne veux que la voir, l'admirer, et puis mourir content. Cela ne se peut pas, mon enfant. Il ne faut pas régler tes espérances sur mes aventures. Vois-tu bien, entre le baudet et le cheval d'Espagne, il y a quelques différences. Hélas, je te regarde comme le premier cheval du monde. Tu abuses de mes comparaisons. Je te permets de m'estimer, Arlequin, mais ne me loue jamais. Montre-moi donc cette fille. Ça ne se peut pas. Mais je t'aime. Et tu te sentiras de ma bonne fortune. Dès aujourd'hui, je te fonde une bouteille de Bourgogne pour autant de jours que nous serons ici. Une bouteille par jour? Cela fait 30 bouteilles par mois pour me consoler dans ma douleur. Donne-moi en argent la fondation du premier mois. Mon fils, je suis bien aise d'assister à chaque paiement. Oh, je ne verrai donc point ma reine. Où êtes-vous donc, petit louis d'or de mon âme? Hélas, je m'en vais vous chercher partout. Veux-tu aller boire le premier mois de fondation? Voilà mon maître, je ne saurais, mais va m'attendre. Je lui ai renversé l'esprit. Oh, le pauvre garçon, il n'est pas digne d'être associé à notre intrigue. Oh, vous voilà, chevalier sans pareil. Eh bien, notre affaire, va-t-elle bien? Fort bien, mon Strivelin. Mais je vous cherchais pour vous dire que vous ne valez rien. C'est bien peu de choses que rien. Et vous me cherchiez tout exprès pour me dire cela? En un mot, tu es un coquin. Vous voilà dans l'erreur de tout le monde. Un fourbe de qui je me vengerai. Mes vertus ont cela de malheureux qu'elles n'ont jamais été connues de personne. Je voudrais bien savoir de quoi vous vous mêlez d'aller dire à Monsieur Lélio que j'aime la comtesse. Comment? Il vous a rapporté ce que je lui ai dit? Sans doute. Vous me faites plaisir de m'en avertir. Pour payer mon avis, il avait promis de se taire. Il a parlé, la dette subsiste. Fort bien, c'était donc pour tirer de l'argent de lui, monsieur le Faquin. Monsieur le Faquin, retranchez ces petits agréments-là de votre discours. Ce sont des fleurs de rhétorique qui m'entêtent. Je voulais avoir de l'argent, cela est vrai. Ne t'en avais-je pas donné? Ne l'avais-je pas pris de bonne grâce? De quoi vous plaignez-vous? Votre argent est-il insociable? Ne pouvait-il pas s'accommoder avec celui de monsieur Lélio? Prends-y garde, si tu retombes encore dans la moindre impertinence, j'ai une maîtresse qui aura soin de toi, je t'en assure. Arrêtez! Ma discrétion s'affaiblit, je l'avoue. Je la sens infirme. Il sera bon de la rétablir par un baiser ou deux. Non. Convertissons donc cela en autre chose. Je ne saurais. Vous ne m'entendez point. Je ne puis me résoudre à vous dire le mot de l'énigme. Le chevalier tire sa montre. Ah, tu la devineras, tu n'y es plus. Le mot n'est pas une montre. La montre en approche pourtant, à cause du métal. Oh, je vous entends à merveille, qu'à cela ne tienne. J'aime pourtant mieux un baiser. Tiens. Mais observe ta conduite. Oh, Fripon, tu triches ma flamme. Tu t'esquives, mais avec tant de grâce qu'il me faut rendre. Arlequin, qui vient, a écouté la fin de la scène par derrière. Dans le temps que le chevalier donne de l'argent à Trivelin, d'une main, il prend l'argent, et de l'autre, il embrasse le chevalier. Ah, je la tiens. Oh, m'amour, je me meurs. Cher petit lingot d'or, je n'en puis plus. Oh, Trivelin, je suis heureux. Et moi, volé. Je suis au désespoir, mon secret est découvert. Ah. Laissez-moi vous contempler, cassette de mon âme. Qu'elle est jolie. Mignarde. Ah, oh, mon cœur s'en va, je me trouve mal. Vite, vite, un échantillon pour me remettre. Débarrasse-moi de lui. Que veut-il dire avec son échantillon? Bon, c'est de l'argent qu'il demande. Bon, s'il ne tient qu'à cela pour venir à bout du dessin que je poursuis, emmène-le et engage-le au secret. Voilà de quoi le faire taire. Mon cher Arlequin, ne me découvre point. Je te promets des échantillons tant que tu voudras. Trivelin va t'en donner. Suis-le et ne dis mot. Tu n'aurais rien si tu parlais. Malpeste, je serais sage. M'aimerez-vous, petit homme? Sans doute. Allons, mon fils, tu te souviens bien de la bouteille de fondation? Allons la boire. Allons. Mais viens donc. Allez votre chemin et ne vous embarrassez de rien. Oh, oh, oh, allez, la belle allez. Trouvaille, la belle trouvaille. Allez, viens. À tout hasard, continuons ce que j'ai commencé. Je prends trop de plaisir à mon projet pour l'abandonner. Dût-il m'en coûter encore 20 pistoles, je veux tâcher d'en venir à bout. Voici la comtesse, je la crois dans de bonnes dispositions pour moi, achevons de la déterminer. Vous me paraissez bien triste, madame, qu'avez-vous? Éprouvons ce qu'il pense. Je viens vous faire un compliment qui me déplaît, mais je ne saurais m'en dispenser. Oh, notre conversation débute mal, madame. Vous avez pu remarquer que je vous voyais ici avec plaisir, et s'il ne tenait qu'à moi, j'en aurais encore beaucoup à vous y voir. J'entends. Je vous épargne le reste et je vais coucher à Paris. Ne vous en prenez pas à moi, je vous le demande en grâce. Je n'examine rien, vous ordonnez, j'obéis. Ne dites point que j'ordonne. Madame, je ne vaut pas la peine que vous vous excusiez, vous êtes très bonne. Non, vous dis-je. Et si vous voulez rester, en vérité, vous êtes le maître. Vous ne risquez rien à me donner carte blanche. Je sais le respect que je dois à vos véritables intentions. Mais chevalier, il ne faut pas respecter des chimères. Il n'y a rien de plus poli que ce discours-là. Il n'y a rien de plus désagréable que votre obstination à me croire poli. Car il faudra malgré moi que je le sois. Je suis d'un sexe un peu fier, je vous dis de rester, je ne saurais aller plus loin. Aidez-vous. Sa fierté se meurt, je veux l'achever. Adieu, madame. Je craindrais de prendre le change, je suis tentée de demeurer et je fuis le danger de mal interpréter vos honnêtetés. Adieu. Vous renvoyez mon cœur dans un terrible état. Vit-on jamais un pareil esprit avec son cœur qui n'a pas le sang commun? Bon, du moins, madame, attendez que je sois partie pour marquer du dégoût à mon égard. Allez, monsieur, je ne saurais attendre. Allez à Paris chercher des femmes qui s'expliquent plus précisément que moi, qui vous prient de rester en termes formels, qui ne rougissent de rien. Pour moi, je me ménage. Je sais ce que je me dois. Et vous partirez puisque vous avez la fureur de prendre tout de travers. Je vous ferai-je plaisir de rester. Peut-on mettre une femme entre le oui et le non? Quelle brusque alternative. Y a-t-il rien de plus haïssable qu'un homme qui ne saurait deviner? Mais allez-vous-en. Je suis lasse de tout faire. Je devine donc, je me sauve. Il devine, dit-il. Il devine et s'en va. La belle pénétration. Je ne sais pourquoi cet homme m'a plu. Le lion n'a qu'à le suivre. Je le congédie. Je ne veux plus de ces importuns-là chez moi. Oh, que je hais les hommes à présent, qu'ils sont insupportables. J'y renonce de bon cœur. Je ne songeais pas, madame, que je vais dans un pays où je puis vous rendre quelques services. N'avez-vous rien à m'y commander? Oui, da. Oubliez-vous que je souhaitais que vous restassiez ici. Voilà tout. Voilà une commission qui m'en donne une autre, c'est celle de rester. Et je m'en tiens à la dernière. Comment? Vous comprenez cela? Quel prodige! En vérité, il n'y a pas moyen de s'étourdir sur les bontés qu'on a pour vous. Il faut se résoudre à les sentir. Vous laissez là. Je vous aime et ne présume rien en ma faveur. Je n'entends pas que vous présumiez rien non plus. Mais il est donc inutile de me retenir, madame. Inutile, comme il prend tout. Mais il faut bien observer ce qu'on vous dit. Mais aussi que ne vous expliquez-vous franchement. Je pars, vous me retenez. Je crois que c'est pour quelque chose qui en vaudra la peine, point du tout. C'est pour me dire, je n'entends pas que vous présumiez rien non plus. N'est-ce pas là quelque chose de bien tentant? Et moi, madame, je n'entends point vivre comme cela. Je ne saurais, je vous aime trop. Vous avez là un amour bien mutin, il est bien pressé. Ce n'est pas ma faute, il est comme vous me l'avez donné. Voyons donc, que voulez-vous? Vous plaire. Eh bien, il faut espérer que cela viendra. Moi, me jeter dans l'espérance? Oh, que non, je ne donne pas dans un pays perdu, je ne saurais où je marche. Marchez, marchez, on ne vous égarera pas. Donnez-moi votre cœur pour compagnon de voyage et je m'embarque. Nous n'irons peut-être pas loin ensemble. Mais par où devinez-vous cela? C'est que je vous crois volage. Vous m'avez fait peur. J'ai cru votre soupçon plus grave. Mais pour volage, s'il n'y a que cela qui vous retienne, partons. Quand vous me connaîtrez mieux, vous ne me reprocherez pas ce défaut-là. Parlons raisonnablement. Vous pourrez me plaire, je n'en disconviens pas. Mais est-il naturel que vous plaisiez tout d'un coup? Non. Mais si vous vous réglez avec moi sur ce qui est naturel, je ne tiens rien. Je ne saurais obtenir votre cœur que gratis. Si j'attends que je l'ai gagné, nous n'aurons jamais fait. Je connais ce que vous valez et ce que je vaux. Fiez-vous à moi, je suis généreuse. Je vous ferai peut-être grâce. Rayez-le peut-être. Ce que vous dites en sera plus doux. Laissons-le. Il n'est peut-être là que par bienséance. Ah, le voilà un peu mieux placé, par c'est exemple. C'est que j'ai voulu vous raccommoder avec lui. Venons au fait. M'aimerez-vous? Mais au bout du compte, aimez-vous vous-même? Oui, madame. J'ai fait ce grand effort-là. Il y a si peu de temps que vous me connaissez que je ne me laisse pas d'en être surprise. Vous surprise? Il fait jour, le soleil nous luit, cela ne vous surprend-il pas aussi? Quand je ne sais que répondre à de pareils discours, moi. Eh, madame, faut-il vous voir plus d'un moment pour apprendre à vous adorer? Je vous crois, ne vous fâchez point, ne me chicanez pas davantage. Oui, comtesse, je vous aime. Et de tous les hommes qui peuvent aimer, il n'y en a pas un dont l'amour soit si pur, si raisonnable. Je vous en fais serment sur cette belle main qui veut bien se livrer à mes caresses. Regardez-moi, madame, tournez vos beaux yeux sur moi. Ne me volez point le doux embarras que j'y fais naître. Ah, oh, quel regard, qu'ils sont charmants. Qui est-ce qui aurait jamais dit qu'ils tomberaient sur moi? Oh, voilà, c'est rendez-moi ma main. Elle n'a que faire là et vous parlerez bien sans elle. Oh, vous me l'avez laissé prendre, laissez-moi la garder. Le courage, j'attends que vous ayez fini. Je ne finirai jamais. Vous faites oublier ce que j'avais à vous dire. Je suis venue tout exprès, vous m'amusez toujours. Revenons. Vous m'aimez, voilà qui va fort bien. Mais comment ferons-nous? Lélio est jaloux de vous. Moi, je le suis de lui, nous voilà quittes. Il a peur que vous ne m'aimiez. C'est un igot d'en avoir peur, il devrait en être sûr. Il craint que je ne vous aime. Et pourquoi ne m'aimeriez-vous pas? Je le trouve plaisant. Il fallait lui dire que vous m'aimiez pour le guérir de sa crainte. Eh, chevalier, il faut le penser pour le dire. Comment, mais ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure que vous me ferez grâce? Je vous ai dit peut-être. Ah, ne savais-je pas bien que le maudit peut-être me jouerait un mauvais tour? Mais que faites-vous donc de mieux si vous ne m'aimez pas? Est-ce encore Lélio qui triomphe? Lélio commence bien à me déplaire. Eh bien qu'il achève donc et nous laisse en repos. C'est le caractère le plus singulier. Oh, l'homme le plus ennuyant. Et brusque avec cela, toujours inquiet. Je ne sais quel parti prendre avec lui. Le parti de la raison. La raison ne plaide plus pour lui, non plus que mon cœur. Il faut qu'il perde son procès. Me le conseillez-vous? Je crois qu'effectivement, il faut en venir là. Oui. Mais de votre cœur, qu'en ferez-vous après? De quoi vous mêlez-vous? Parbleu de mes affaires. Vous le saurez trop tôt. Mort. Et qu'avez-vous? C'est que vous avez des longueurs qui me désespèrent. Vous êtes bien impatient, chevalier. Personne n'est comme vous. Ma foi, madame, on est ce que l'on peut quand on vous aime. Attendez, je veux vous connaître mieux. Je suis vif et je vous adore, me voilà tout entier. J'étais pourtant venue pour vous dire de nous quitter. Lélio m'en avait pris. Oh, laissons là Lélio, sa cause ne vaut rien. Tout bon, monsieur le chevalier. Ah, grâce au ciel et à la bonté de madame, il n'en sera rien, s'il vous plaît. Lélio, qui vaut mieux que vous, restera et vous vous en irez. Comment, morbleu, que dites-vous de lui, madame? Ne suis-je pas entre les mains d'un ami bien scrupuleux? Son procédé n'est-il pas édifiant? Et que trouvez-vous de si étrange à mon procédé, monsieur? Quand je suis devenu votre ami, ai-je fait vœu de rompre avec la beauté, les grâces et tout ce qu'il y a de plus aimable dans le monde? Mais non, parbleu. Votre amitié est belle et bonne, mais je m'en passerai mieux que d'amour pour madame. Vous trouvez un rival, eh bien prenez patience. En êtes-vous étonné si madame n'a pas la complaisance de s'enfermer avec vous? Vos étonnements ont tout l'air d'être très fréquents et il faudra bien que vous vous y accoutumiez. Je n'ai rien à vous répondre. Madame aura soin de me venger de vos louables entreprises. Voulez-vous bien que je vous donne la main, madame? Car je ne vous crois pas extrêmement amusé des discours de monsieur. Où voulez-vous que j'aille? Nous pouvons nous promener ensemble. Je ne me plains pas du chevalier. S'il m'aime, je ne saurais me fâcher de la manière dont il le dit et je n'aurais tout au plus à lui reprocher que la médiocrité de son goût. Ah, j'aurais plus de partisans de mon goût que vous n'en aurez de vos reproches. Cela va le mieux du monde. Et je joue ici un fort aimable personnage. Je ne sais quelles sont vos vues, madame. Ah, mais... je n'aime pas les emportes. Je vous reverrai quand vous serez plus calme. Voilà une femme bien dupe. Qu'en dis-tu? Ai-je bonne grâce à faire le jaloux? Elle revient pour nous observer. Nous verrons ce qu'il en sera, chevalier. Nous verrons. Ah, l'excellent fourbe. Adieu, Lélio. Vous le prendrez sur le temps qu'il vous plaira. Je vous en donne ma parole. Adieu. Dis-moi donc pourquoi tu pleures, Arlequin. Je veux le savoir absolument. Mais quel est le sujet de ton affliction? Oh, monsieur, voilà qui est fini. Je ne serai plus gaillard. Pourquoi? Faute d'avoir envie de rire. Et d'où vient que tu n'as plus envie de rire, imbécile? À cause de ma tristesse. Je te demande ce qui te rend triste. C'est un grand chagrin, monsieur. Il ne rira plus parce qu'il est triste et il est triste à cause d'un grand chagrin. Te plairait-il de t'expliquer mieux? Sais-tu bien que je me fâcherai à la fin? Hélas, je vous dis la vérité. Et tu me l'as dit si sottement que je n'y comprends rien. T'as-t-on fait du mal? Beaucoup de mal. Est-ce qu'on t'a battu? Oh bon, bien pique tout cela, ma foi. Bien pique tout cela? Oui. Quand un pauvre homme perd de l'or, il faut qu'il meure. Et je mourrai aussi, je n'y manquerai pas. Et que veut dire de l'or? De l'or du Pérou. Voilà comment on dit qu'il s'appelle. Est-ce que tu en avais? Et vraiment oui, voilà mon affaire. Je n'en ai plus, je pleure. Quand j'en avais, j'étais bien aise. Et qui est-ce qui te l'avait donné, cet or? C'est monsieur le chevalier qui m'avait fait présent de cet échantillon-là. De quel échantillon? Et je vous le dis. Oh, quelle patience il faut avoir avec ce nigaud-là. Sachons pourtant ce que c'est. Arlequin, fais trêve à tes larmes. Oh. Si tu te plains de quelqu'un, j'y mettrai ordre. Mais éclaircis-moi la chose. Tu me parles d'un or du Pérou, après cela d'un échantillon. Je ne t'entends point. Réponds-moi précisément. Le chevalier t'a-t-il donné de l'or? Pas à moi. Mais il l'avait donné devant moi, à Trivelin, pour me le rendre en main propre. Hmm. Cette main propre n'en a point tâté. Le fripon a tout gardé dans la sienne, qui n'était pas plus propre que la mienne. Cet or était-il en quantité? Combien de louis avait-il? Peut-être 40 ou 50, je ne les ai pas comptés. 40 ou 50? Et pourquoi le chevalier te faisait-il ce présent-là? Parce que je lui avais demandé un échantillon. Encore ton échantillon? Et vraiment, oui! Monsieur le chevalier en avait aussi donné à Trivelin. Je ne saurais débrouiller ce qu'il veut dire. Mais il y a cependant quelque chose là-dedans qui peut me regarder. Réponds-moi. Avais-tu rendu au chevalier quelque service qui l'engagea à te récompenser? Non. Mais j'étais jaloux de ce qu'il aimait Trivelin, de ce qu'il avait charmé son cœur et mis de l'or dans sa bourse. Et moi, je voulais aussi avoir le cœur charmé et la bourse pleine. Quel étrange galimatiam fais-tu là? Il n'y a pourtant rien de plus vrai que tout cela. Quel rapport y a-t-il entre le cœur de Trivelin et le chevalier? Le chevalier a-t-il de si grands charmes? Tu parles de lui comme d'une femme. Tant y a qu'il est ravissant et qu'il fera aussi rafle de votre cœur quand vous le connaîtrez. Allez, pour voir, lui dire « je vous connais et je garderai le secret », vous verrez si ce n'est pas un échantillon qui vous viendra, sur le champ, et vous me direz si je suis fou. Je ne comprends rien. Mais qui est-il, ce chevalier? Voilà justement le secret qui fait avoir un présent quand on le garde. Je prétends que tu me le dises, moi. Vous me ruineriez, monsieur. Il ne me donnerait plus rien, ce charmant petit semblant d'homme. Et je l'aime trop pour le fâcher. Petit semblant d'homme? Que veut-il dire? Ce qu'il me dit là me fait naître une pensée que toutes mes réflexions fortifient. Mais oui, le chevalier a de certains traits, un certain minois. Oh, mais voici Trivelin, je veux le forcer à me dire la vérité s'il la sait. J'en tirerai meilleure raison que de ce butor-là. Va-t'en, Arlequin, va-t'en, je tâcherai de te faire avoir ton argent. Oh, là, là, là, là, là. Voici ma mauvaise paye. La physionomie de cet homme-là m'est devenue fâcheuse. Promenons-nous d'un autre côté. Trivelin! Je voudrais bien te parler. À moi, monsieur. Ne pourriez-vous pas remettre cela? J'ai actuellement un mal de tête qui ne me permet de conversation avec personne. Bon, bon, bon, c'est bien à toi à prendre garde à un petit mal de tête. Approche. Je n'ai ma foi rien de nouveau à vous apprendre, au moins. Viens donc. Eh bien, de quoi s'agit-il? Vous reprocheriez-vous la récompense que vous m'avez donnée tantôt? Je n'ai jamais vu de bienfait dans ce goût-là. Voulez-vous rayer ce petit trait-là de votre vie? Tenez, ce n'est qu'une vétille, mais les vétilles gâtent tout. Écoute, ton verbiage me déplaît. Je vous disais bien que je n'étais pas en état de paraître en compagnie. Et je veux que tu répondes positivement à ce que je te demanderai. Je réglerai mon procédé sur le tien. Le vôtre sera donc court, car le mien sera bref. Je n'ai vaillant qu'une réplique, qui est que je ne sais rien. Vous voyez bien que je ne vous ruinerai pas en interrogation. Si tu me dis la vérité, tu n'en seras pas fâché. Auriez-vous encore quelques coups de bâton à m'épargner? Finissons! J'obéis! Mais où vas-tu? Pour finir une conversation, il n'y a rien de mieux que de la laisser là. C'est le plus court, ce me semble. Tu m'impatientes et je commence à me fâcher. Tiens-toi là! Écoute et me réponds. À qui en a ce diable d'homme-là? Je crois que tu jures entre tes dents? Cela m'arrive quelquefois, par distraction. Crois-moi, traitons avec douceur ensemble, Trivelin, je t'en prie. Oui, da, comme il convient d'honnêtes gens. Y a-t-il longtemps que tu connais le chevalier? Non, c'est une nouvelle connaissance. La vôtre et la mienne sont de la même date. Sais-tu qui il est? Il se dit le cadet d'un aîné gentilhomme, mais les titres de cet aîné, je ne les ai point vus. Si je les vois jamais, je vous en promets copie. Parle-moi à cœur ouvert. Je vous la promets, vous dis-je, je vous en donne ma parole. Il n'y a point de sûreté de cette force-là, nulle part. Tu me caches la vérité, le nom de chevalier qu'il porte est un faux nom. Serait-il l'aîné de sa famille? Je l'ai cru réduit à une légitime, voyez ce que c'est. Oh, tu bats la campagne, ce chevalier mal nommé, avoue-moi que tu l'aimes. Je l'aime par la règle générale qu'il faut aimer tout le monde. Voilà ce qu'il tire d'affaire auprès de moi. Tu t'y ranges avec plaisir à cette règle-là. Parfois, monsieur, vous vous trompez. Rien ne me coûte tant que mes devoirs. Plein de courage pour les vertus inutiles. Je suis pour les nécessaires, d'une tiédeur qui passe l'imagination. Qu'est-ce que c'est que nous? N'êtes-vous pas comme moi, monsieur? Fourbe, tu as de l'amour pour ce faux chevalier. Doucement, monsieur. Entre ceci et sérieux. Tu sais quel est son sexe? Expliquons-nous. De sexe, je n'en connais que deux, l'un qui se dit raisonnable, l'autre qui nous prouve que cela n'est pas vrai. Duquel des deux le chevalier est-il? Puisque tu m'y forces, ne perds rien de ce que je vais te dire. Je te ferai périr sous le bâton si tu me joues davantage. M'entends-tu? Vous êtes clair. Ne mérite point. J'ai dans cette affaire-ci un intérêt de la dernière conséquence. Il y va de ma fortune. Et tu parleras ou je te tue. Vous me tuerez si je ne parle, hélas, monsieur. Si les babillards ne mouraient point, je serais éternel. Personne ne le saurait. Parle donc. Donnez-moi un sujet. Quelque petit qu'il soit, je m'en contente et j'entre en matière. Ah, tu ne veux pas? Eh bien, voici, j'y trouverai plus de sien. Fuis donc. Savez-vous bien que vous me feriez peur sans votre physionomie d'honnête homme? Coquin que tu es. C'est mon habit qui est un coquin. Pour moi, je suis un brave homme. Mais avec cet équipage-là, on a de la probité en pure perte. Cela ne fait ni honneur ni profit. Bah, je tâcherai de me passer de l'aveu que je te demandais. Mais je te trouverai. Et tu me répondras de ce qui m'arrivera de fâcheux. En quelque endroit que nous nous rencontrions, monsieur, je sais ôter mon chapeau de bonne grâce. Je vous en garantis la preuve. Et vous serez content de moi. Retire-toi. Il y a une heure que je vous l'ai proposé. Eh bien, mon ami, la comtesse écrit actuellement des lettres pour Paris. Elle descendra bientôt et veut se promener avec moi, m'a-t-elle dit. Sur cela, je viens t'avertir de ne nous pas interrompre quand nous serons ensemble et d'aller bouder d'un autre côté, comme il convient à un jaloux. Dans cette conversation-ci, je vais mettre la dernière main à notre grande œuvre et achever de la résoudre. Mais je voudrais que toutes les espérances fussent remplies et j'ai songé une chose. Le dédit que tu as d'elle, est-il bon? Il y a des dédits mal conçus et qui ne servent de rien. En cas qu'il y manquait quelque chose, on pourrait prendre des mesures. Tâchons de le démasquer si mes soupçons sont justes. Réponds-moi donc. Et qui en as-tu? Je n'ai point le dédit sur moi, mais parlons d'autre chose. Qu'y a-t-il de nouveau? Songes-tu encore à me faire épouser quelque autre femme que la comtesse? Non, je pense à quelque chose de plus sérieux. Je veux me couper la gorge. Diantre, quand tu te mêles du sérieux, tu le traites à fond. Que t'as fait ta gorge pour la couper? Point de plaisanterie. Arlequin aurait-il parlé? Si ta résolution tient, tu me feras ton légataire, peut-être. Vous serez de la partie dont je parle. Moi? Mais je n'ai rien à reprocher à ma gorge. Sans vanité, je suis content d'elle. Et moi, je ne suis point content de vous. Et c'est avec vous que je veux m'égorger. Avec moi? Vous-même. Oh, va te mettre au lit et te faire saigner, tu es malade. Suivez-moi. Voilà un pouls qui dénote un transport au cerveau. Il faut que tu aies reçu un coup de soleil. Point tant de raison, suivez-moi, vous dis-je. Encore un coup, va te coucher, mon ami. Je vous regarde comme un lâche si vous ne marchez. Pauvre homme, après ce que tu me dis là, tu es du moins heureux de n'avoir plus de bon sens. Vous êtes aussi poltron qu'une femme. Tenons ferme. Lilio, je vous crois malade. Tant pis pour vous si vous ne l'êtes pas. Je vous dis que vous manquez de cœur. Et qu'une quenouille siérait mieux à votre côté qu'une épée. Oh, avec une quenouille, mais pareil, vous battrez encore. Oui, dans une rouelle. Partout. Mais ma tête s'échauffe. Vérifiez un peu votre état. Regardez-moi entre deux yeux. Je crains encore que ce ne soit un accès de fièvre. Voyons. Oui, vous avez quelque chose de fou dans le regard et je n'ai pu m'y tromper. Allons, allons. Mais que je sache du moins en vertu de quoi je vais vous rendre sage. Non, passons dans ce petit bois, je vous le dirai là. Eh bien, hâtons-nous donc. S'il me voit résolu, il sera peut-être poltron. Vous me suivez donc? Qu'appelez-vous, je vous suis. Qu'est-ce que cette réflexion? Ce qu'il vous plairait à présent de prendre le transport au cerveau pour excuse, ah, il n'est plus temps. Raisonnable ou fou, malade ou sain, marchez. Je vais filer ma quenouille. Je vous arracherai morbleu d'entre les mains des médecins, voyez-vous? Poursuivons. C'est dans toute bon. Ah, ne nous amusons point, vous dis-je. Vous devriez être expédié. Non, doucement, mon ami. Expliquons-nous à présent. Je vous regarde comme un lâche si vous hésitez davantage. Oh, je me suis, ma foi, trompé. C'est un chevalier et des plus résolus. Vous êtes plus poltron qu'une femme. Ah, parbleu, chevalier, j'en ai cru une. Voilà la vérité. Enfin, de quoi t'avises-tu aussi d'avoir un visage à toilette? Il n'y a point de femme à qui ce visage-là n'alla comme un charme. Tu es masqué en coquet. Masque vous-même, vite au bois. Mais non, je ne voulais faire qu'une épreuve. Tu as chargé Trivelin de donner de l'argent à Arlequin, je ne sais pourquoi. Mais parce qu'étant seul, il m'avait entendu dire quelque chose de notre projet qu'il pouvait rapporter à la comtesse. Voilà pourquoi, monsieur. Oh, je ne devinais pas. Arlequin m'a tenu aussi des discours qui signifiaient que tu étais fille. Ta beauté me l'a fait d'abord soupçonner, mais je me rends. Tu es beau et encore plus brave. Embrassons-nous et reprenons notre intrigue. Quand un homme comme moi est en train, il a de la peine à s'arrêter. Tu as encore cela de commun avec la femme. Quoi qu'il en soit, je ne suis curieux de tuer personne. Je vous passe votre méprise, mais elle vaut bien une excuse. Je suis ton serviteur, chevalier, et je te prie d'oublier mon incarnat. Je l'oublie, et suis ravi que notre réconciliation m'épargne une affaire épineuse et sans doute un homicide. Notre duel était positif, et si j'en fais jamais un, il n'aura jamais rien à démêler avec les ordonnances. Ce ne sera pas avec moi, je t'en assure. Non, je te le promets. Touche-la, je t'en garantis autant. Je vous demande pardon si je vous suis importun, monsieur le chevalier. Mais ce larron de Trivelin ne veut pas me rendre l'argent que vous lui avez donné pour moi. J'ai pourtant été bien discret. Vous m'avez ordonné de ne pas dire que vous étiez fille. Demandez à monsieur Léliot si je lui en ai dit un mot. Il n'en sait rien et je ne lui apprendrai jamais. Peste soit du faquin, je n'y saurais plus tenir. Comment faquin? C'est donc comme cela que vous m'aimez? Tenez, monsieur, écoutez mes raisons. Je suis venu tantôt au moment où Trivelin lui disait que tu es charmante, ma poule, baise-moi. Non, donne-moi donc de l'argent. Ensuite, il a avancé la main pour prendre cet argent, mais la mienne était là et l'argent est tombé dedans. Quand le chevalier a vu que j'étais là, mon fils, m'a-t-il dit, n'apprends pas au monde que je suis une fillette. Non, m'amour, mais donnez-moi votre cœur. Prends, a-t-elle répondu. Ensuite, elle a dit à Trivelin de me donner de l'or, nous avons été boire ensemble, le cabaret en est témoin, et je reviens exprès pour avoir l'or et le cœur, et voilà qu'on m'appelle un faquin. Va-t'en, laisse-nous, et ne dis-moi à personne. Ayez donc soin de mon bien, eh ? Eh, eh. Eh bien, monsieur le duelliste qui se battra sans blesser les ordonnances, je vous crois. Mais qu'avez-vous à me répondre? Rien. Il ne ment pas d'un mot. Vous voilà bien déconcerté, mamie. Moi déconcerté, pas un petit brin grâce au ciel. Je suis femme et je soutiendrai mon caractère. Ah, il s'agit de savoir à qui vous en voulez ici. Oh, avouez que j'ai du guignon. J'avais bien conduit tout cela, pourtant. Rendez-moi justice. Je vous ai fait peur avec mon minois de coquette. C'est le plus plaisant. Alors, venons au fait. J'ai eu l'imprudence de vous ouvrir mon cœur. Qu'importe, je n'ai rien vu dedans qui me fasse envie. Vous savez mes projets. Qui n'avaient pas besoin d'un confident comme moi, n'est-il pas vrai? Oh, je l'avoue. Ils sont pourtant beaux. J'aime surtout cet ermitage et cette laideur immanquable dont vous gratifiez votre épouse 15 jours après votre mariage. Il n'y a rien de tel. Votre mémoire est fidèle, mais passons. Qui êtes-vous? Je suis fille, assez jolie comme vous voyez, et dont les agréments seront de quelque durée si je trouve un mari qui me sauve le désert et le terme des 15 jours. Voilà ce que je suis. Et par-dessus le marché, presque aussi méchante que vous. Oh, pour celui-là, je vous le sais. Ah, vous avez tort, vous méconnaissez vos forces. Qu'êtes-vous venu faire ici? Tirez votre portrait, afin de le porter à certaines dames qui l'attendent pour savoir ce qu'elle fera de l'original. Belle mission. Pas trop laide. Par cette mission-là, c'est une tendre brebis qui échappe au loup et 12 000 livres de rente de sauvé qui prendront partie ailleurs. Petite bagatelle qui valait bien la peine d'un déguisement. Qu'est-ce que tout cela signifie? Je m'explique. La brebis, c'est ma maîtresse. Les 12 000 livres de rente, c'est son bien qui produit ce calcul si raisonnable de tantôt. Et le loup qui eut dévoré tout cela, c'est vous, monsieur. Oh, je suis perdu. Non, vous manquez votre proie, voilà tout. Ah, il est vrai qu'elle était assez bonne. Mais aussi, pourquoi êtes-vous loup? Ce n'est pas ma faute. On a su que vous étiez à Paris incognito. On s'est défié de votre conduite. Là-dessus, on vous suit. On sait que vous êtes au bal. J'ai de l'esprit et de la malice, on m'y envoie. On m'équipe comme vous me voyez. Pour me mettre à portée de vous connaître, j'arrive, je fais ma charge, je deviens votre ami, je vous connais. Je trouve que vous ne valez rien. J'en rendrai compte, il n'y a pas un mot à redire. Vous êtes donc la femme de chambre de la demoiselle en question. Et votre très humble servante. Oh, il faut avouer que je suis bien malheureux. Et moi bien à droite. Mais dites-moi, vous repentez-vous du mal que vous vouliez faire ou de celui que vous n'avez pas fait? Laissons cela. Mais pourquoi votre malice m'a-t-elle encore ôté le cœur de la comtesse? Pourquoi consentir à jouer auprès d'elle le personnage que vous y faites? Pour d'excellentes raisons. Vous cherchiez à gagner 10 000 écus avec elle, n'est-ce pas? Pour cet effet, vous réclamiez mon industrie. Et quand j'aurais conduit l'affaire près de sa fin, avant de terminer, je comptais vous rançonner un peu et avoir ma part au pillage. Ou bien retirer finement le dédit d'entre vos mains sous prétexte de le voir, pour vous le revendre une centaine de pistoles payées comptant, ou en billets payables au porteur, sans quoi j'aurais menacé de vous perdre auprès des 12 000 livres de rente et de réduire votre calcul à zéro. Oh, mon projet étant bien entendu. Moi payé, crac, je décampais avec mon gain et le portrait qui m'aurait encore valu quelques petits revenants bons auprès de ma maîtresse. Tout cela joint à mes petites économies, tant sur mon voyage que sur mes gages, je devenais, avec mes agréments, un parti d'assez bonne défaite, sauf le lit. Mais manquer mon coup, j'en suis bien fâchée. Cependant, vous me faites pitié, vous. Oh, si tu voulais... Vous vient-il quelque idée? Cherchez. Tu gagneras encore plus que tu n'espérais. Tenez, je ne fais point l'hypocrite ici. Je ne suis pas non plus que vous à un tour de fourbure près. Je vous ouvre aussi mon cœur. Je ne crains pas de scandaliser le vôtre et nous ne nous soucierons pas de nous estimer. Ce n'est pas la peine entre gens de notre caractère. Pour conclusion, faites ma fortune et je dirai que vous êtes un honnête homme. Mais convenons de prix pour l'honneur que je vous fournirai, il vous en faut beaucoup. Demande ce qu'il te plaira, je te l'accorde. Motus au moins. Gardez-moi un secret éternel. Je veux 2000 écus. Je n'en rabattrai pas un sou. Moyennant quoi, je vous laisse ma maîtresse et j'achève avec la comtesse. Si nous nous accommodons, dès ce soir, j'écris une lettre à Paris que vous dicterez vous-même. Vous vous y ferez tout aussi beau qu'il vous plaira, je vous mettrai à même. Et quand le mariage sera fait, devenez ce que vous pourrez, je serai nanti et vous aussi. Les autres prendront patience. Je te donnais 2000 écus avec mon amitié. Oh, pour cette nuit-là, je vous la troquerai contre 50 pistoles, si vous voulez. Contre 100, ma chère fille. C'est encore mieux, j'avoue même qu'elle ne les vaut pas. Alors, ce soir, nous écrirons. Oui, mais mon argent, quand me le donnerez-vous? Voici une bague pour les 100 pistoles du troc, d'abord. Bon, alors venons aux 2000 écus. Je te ferai mon billet tantôt. Oui, tantôt. Madame la comtesse va venir et je ne veux pas finir avec elle, que je n'ai toutes mes sûretés. Mettez-moi le dédit en main. Je vous le rendrai tantôt pour votre billet. Tiens, le voilà. Ne me trahissez jamais. Tu es folle. Voici la comtesse. Quand j'aurai été quelque temps avec elle, revenez en colère, la presser de décider hautement entre vous et moi. Et allez-vous-en, de peur qu'elle ne nous voie ensemble. J'allais vous trouver, comtesse. Vous m'avez inquiété, chevalier. J'ai vu de loin Lélio vous parler. C'est un homme emporté. N'ayez point d'affaire avec lui, je vous prie. Oh, ma foi, c'est un original. Savez-vous qu'il se vante de vous obliger à me donner mon congé? Lui? S'il se vantait d'avoir le sien, cela serait plus raisonnable. Bon, je lui ai promis qu'il l'aurait et vous dégagerez ma parole. Il est encore de bonne heure, il peut gagner Paris et y arriver au soleil couchant. Expédions-le, ma chère âme. Vous n'êtes qu'un étourdi, chevalier, vous n'avez point de raison. De la raison, mais que voulez-vous que j'en fasse avec de l'amour? Il va trop son train pour elle. Est-ce qu'il vous en reste encore de la raison, comtesse? Me feriez-vous ce chagrin-là? Vous ne m'aimeriez guère. Vous voilà dans vos petites folies. Vous savez qu'elles sont aimables et c'est ce qui vous rassure. Il est vrai que vous m'amusez. Quelle différence de vous à Lélio, dans le fond? Vous ne voyez rien. Mais revenons à Lélio. Je vous disais de le renvoyer aujourd'hui. L'amour vous y condamne. Il parle, il faut obéir. Eh bien, je me révolte. Qu'en arrive-t-il? Oh, non, vous n'oseriez. Je n'oserais. Voyez avec quelle hardiesse il me dit cela. Mais non, vous dites, je suis sûre de mon fait. Car vous m'aimez, votre cœur est à moi. J'en ferai ce que je voudrais, comme vous ferez du mien ce qu'il vous plaira. C'est la règle et vous l'observerez, c'est moi qui vous le dis. Il faut avouer que voilà un fripon bien sûr de ce qu'il vaut. Je l'ai, mon cœur est à lui. Il vous dit cela avec une aisance admirable. On ne peut pas être plus persuadé qu'il est. Je n'ai pas le moindre petit doute. C'est une confiance que vous m'avez donnée. J'en use sans façon, comme vous voyez. Et je conclus toujours que Lélio partira. Mais vous n'y songez pas. Dire à un homme qu'il s'en aille. Vous me refusez son congé à moi qu'il demande, comme s'il ne m'était pas dû. Badin. Tiède amant. Petit tyran. Cœur révolté, vous rendrez-vous? Non, je ne saurais, mon cher chevalier. J'ai quelques raisons pour en agir plus honnêtement avec lui. Oh, des raisons, madame, des raisons. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne vous alarmez point. C'est que je lui ai prêté de l'argent. Eh bien, vous en aurait-il fait une reconnaissance qu'on ose montrer en justice? Pas du tout, j'ai son billet. Vous joignez-y un sergent, vous voilà payé. Il est vrai, mais... Oh, voilà un mec qui a l'air honteux. Mais que voulez-vous donc que je vous dise? Pour m'assurer cet argent-là, j'ai consenti que nous fissions, lui et moi, un dédit de la somme. Oh, un dédit, madame, un dédit. Mais c'est un vrai transport d'amour que ce dédit-là, c'est une faveur. Oh, il me pénètre, il me trouble et je n'en suis pas le maître. Oh, ce misérable dédit, pourquoi faut-il que je l'ai fait? Voilà ce que c'est que ma facilité pour un homme haïssable, que j'ai toujours deviné que je haïrais. J'ai toujours eu une certaine antipathie pour lui. Je n'ai pas eu l'esprit d'y prendre garde. Oh, madame, il s'est bien accommodé de cette antipathie-là. Il en a fait un amour bien tendre. Oh, tenez, madame, il me semble que je le vois à vos genoux, que vous l'écoutez avec un plaisir, qu'il vous jure de vous adorer toujours, que vous le payez du même serment, que sa bouche cherche la vôtre et que la vôtre se laisse trouver. Car voilà ce qui arrive. Enfin, je vous vois soupirer, je vois vos yeux s'arrêter sur lui, tantôt vifs, tantôt languissants, toujours pénétrés d'amour, et d'un amour qui croît toujours. Et moi, je me meurs, ces objets-là me tuent, mais comment ferais-je pour les perdre de vue? Cruel dédit, te verrai-je toujours? Ah, oh, il va me coûter de chagrin, et qu'il me fait dire de folie. Courage, monsieur, rendez-nous tous deux la victime de vos chimères. Que je suis malheureuse d'avoir parlé de ce dédit. Pourquoi faut-il que je vous ai cru raisonnable? Pourquoi vous ai-je vu? Est-ce que je mérite tout ce que vous me dites? Pouvez-vous vous plaindre de moi? Ne vous aimais-je pas assez? Lelio doit-il vous chagriner? L'ai-je aimé autant que je vous aime? Où est l'homme plus chéri que vous l'êtes, plus sûr, plus digne de l'être toujours? Et rien ne vous persuade. Et vous vous chagrinez, vous n'entendez rien. Vous me désolez. Que voulez-vous que nous devenions? Comment vivre avec cela? Dites-moi donc. Le succès de mes impertinences me surprend. C'en est fait, comtesse. Votre douleur me rend mon repos et ma joie. Combien de choses tendres ne venez-vous pas de me dire? Cela est inconcevable. Je suis charmée. Reprenons notre humeur gaie. Allons, oublions tout ce qui s'est passé. Et comment se fait-il que je vous aime tant? Qu'avez-vous fait pour cela? Hélas, moins que rien. Tout vient de votre bonté. On sait que vous êtes plus aimable qu'un autre, apparemment. Pour tout ce qui n'est pas comme vous, je le serais peut-être assez. Mais je ne suis rien pour ce qui vous ressemble, non. Non, je ne pourrai jamais payer votre amour. En vérité, je n'en suis pas digne. Comment donc faut-il être fait pour le mériter? Ah, voilà ce que je ne vous dirai pas. Aimez-moi toujours et je suis contente. Pourrez-vous soutenir un goût si sain? Ne m'affligez plus et tout ira bien. Je vous le promets, mais que Lelio s'en aille. J'aurais souhaité qu'il prît son parti de lui-même à cause du dédit. Ce serait 10 000 écus que je vous sauverais, chevalier, car enfin, c'est votre bien que je ménage. Oh, périssent tous les biens du monde et qu'il parte, rompez avec lui la première, voilà mon bien. Faites-y réflexion. Oh, vous hésitez encore, vous avez peine à me le sacrifier. Est-ce là comme on aime? Oh, qu'il vous manque encore de choses pour ne laisser rien à souhaiter à un homme comme moi. Eh bien, il ne me manquera plus rien, consolez-vous. Il vous manquera toujours pour moi. Non, je me rends. Je renverrai Lelio et vous dicterai son congé. Lui direz-vous qu'il se retire sans cérémonie? Oui. Non, ma chère comtesse, vous ne le renverrez pas. Il me suffit que vous y consentiez. Votre amour est à toute épreuve et je dispense votre politesse d'aller plus loin sans se rétro. C'est à moi à avoir soin de vous quand vous vous oubliez pour moi. Je vous aime, cela veut tout dire. Oh, mais cela n'est pas assez, comtesse. Distinguez-moi un peu de Lelio, à qui vous l'avez dit peut-être aussi. Que voulez-vous donc que je vous dise? Je vous adore. Aussi bien il vous échappera demain, avancez-le moi d'un jour. Contentez ma petite fantaisie, dites. Je veux mourir s'il ne me donne envie de le dire. Vous devriez être honteux d'exiger cela au moins. Quand vous me l'aurez dit, je vous en demanderai pardon. Je crois qu'il me persuadera. Allons, mon cher amour, régalez ma tendresse de ce petit trait-là. Vous ne risquez rien avec moi. Laissez-moi sortir ce mot-là de votre belle bouche. Voulez-vous que je lui donne un baiser pour l'encourager? Ah, ça, laissez-moi. Ne serez-vous jamais content? Je ne vous plaindrai rien quand il en sera temps. Vous êtes attendri, profitez de l'instant. Je ne veux qu'un mot. Voulez-vous que je vous aide? Dites comme moi. Chevalier, je vous adore. Chevalier, je vous adore. Il me fait faire tout ce qu'il veut. Mon sexe n'est pas mal faible. Ah, que j'ai de plaisir, mon cher amour, encore une fois. Non, soit, mais ne me demandez plus rien après. Oh, que craignez-vous que je vous demande? Que sais-je, moi? Vous ne finissez point, taisez-vous. J'obéis. Je suis de bonne composition et j'ai pour vous un respect que je ne saurais violer. Je vous épouse. En est-ce assez? Bien plus qu'il ne me faut si vous me rendez justice. Je suis prête à vous jurer une fidélité éternelle. Et je perds les 10 000 écus de bon cœur. Non, vous ne les perdrez point si vous faites ce que je vais vous dire. Lelio viendra certainement vous presser d'obtenir entre lui et moi. Ne manquez pas de lui dire que vous consentez à l'épouser. Je veux que vous le connaissiez à fond. Laissez-moi vous conduire et sauvons le dédit. Vous verrez ce que c'est que cet homme-là. Le voici. Je n'ai pas le temps de m'expliquer davantage. J'agirai comme vous le souhaitez. Permettez, madame, que j'interrompe pour un moment votre entretien avec monsieur. Je ne viens point me plaindre. Je n'ai qu'un mot à vous dire. J'aurais cependant un assez beau sujet de parler. L'indifférence avec laquelle vous vivez avec moi depuis que monsieur, qui ne me vaut pas... Il a raison. Enfin, finissons. Mes reproches sont raisonnables. Mais je vous déplais. Je me suis promis de me taire et je me tais, quoi qu'il m'en coûte. Que ne pourrais-je pas vous dire? Pourquoi me trouvez-vous haïssable? Pourquoi me fuyez-vous? Que vous ai-je fait? Je suis au désespoir. Vous riez, monsieur le chevalier, mais vous prenez mal votre temps. Je prendrai le mien pour vous répondre. Ne te fâche point, Lelio. Tu n'avais qu'un mot à dire, qu'un petit mot. En voilà plus de 100 de bon compte et rien ne s'avance. Cela me réjouit. Remettez-vous, Lelio, et dites-moi tranquillement ce que vous voulez. Vous priez de m'apprendre qui de nous deux il vous plaît de conserver, de monsieur ou de moi. Prononcez, madame. Mon cœur ne peut plus souffrir d'incertitude. Vous êtes vif, Lelio, mais la cause de votre vivacité est pardonnable et je vous veux plus de bien que vous ne pensez. Chevalier, nous avons jusqu'ici plaisanté ensemble et il est temps que cela finisse. Vous m'avez parlé de votre amour, je serais fâchée qu'il fût sérieux. Je dois ma main à Lelio et je suis prête à recevoir la sienne. Vous plaindrez-vous encore? Non, madame, vos réflexions sont à mon avantage. Et si j'osais... Je vous dispense de me remercier, Lelio. Je suis sûre de la joie que je vous donne. Sa contenance est plaisante. Voilà une lettre qu'on vient d'apporter de la poste, madame. Ah, donnez, voulez-vous bien que je me retire un moment pour la lire? C'est de mon frère. Que diantre signifie cela? Elle me prend au mot. Que dites-vous de ce qui se passe là? Ce que j'en dis, rien. Je crois que je rêve et je tâche de me réveiller. Ah, me voilà en belle posture avec sa main qu'elle m'offre, que je lui demande avec fracas. et dont je ne me soucie point. Mais ne me trompez-vous point. Oh, que dites-vous là? Je vous sers loyalement ou je ne suis pas soubrette? Ce que nous voyons là peut venir d'une chose. Pendant que nous nous parlions, elle me soupçonnait d'avoir quelque inclination à Paris. Je me suis contentée de lui répondre galamment là-dessus. Elle a tout d'un coup pris son sérieux. Vous êtes entrée sur le champ et ce qu'elle en fait n'est sans doute qu'un reste de dépit qui va se passer, car elle m'aime. Voilà fort embarrassée. Et si elle continue à vous offrir sa main, tout le remède que j'y trouve, c'est de lui dire que vous l'épouserez, quoique vous ne l'aimiez plus. Vous tournez-lui cette impertinence-là d'une manière polie, ajoutez que si elle ne le veut pas, le dédit sera son affaire. Il y a bien du bizarre dans ce que tu me proposes là. Du bizarre? Mais depuis quand êtes-vous si délicat? Est-ce que vous reculez pour un mauvais procédé de plus qui vous vaut 10 000 écus? Je ne vous aime plus, madame, cependant je veux vous épouser. Ne le voulez-vous pas? Payez le dédit. Donnez-moi votre main ou de l'argent, voilà tout. Lélio, mon frère, ne viendra pas si tôt. Ainsi, il n'est plus question de l'attendre et nous finirons quand vous voudrez. Courage, encore une impertinence et puis c'est tout. Ma foi, madame, oserais-je vous parler franchement? Je ne trouve plus mon cœur dans sa situation ordinaire. Comment donc? Expliquez-vous. Ne m'aimez-vous plus? Je ne dis pas ça tout à fait, mais mes inquiétudes ont un peu rebuté mon cœur. Que signifie donc ce grand étalage de transport que vous venez de me faire? Qu'est devenu votre désespoir? N'était-ce qu'une passion de théâtre? Il semblait que vous alliez mourir si je n'y avais mis ordre. Expliquez-vous. Madame, je n'en puis plus, je souffre. Ma foi, madame, c'est que je croyais que je ne risquerais rien et que vous me refuseriez. Vous êtes un excellent comédien. Et le dédit, qu'en ferons-nous, monsieur? Nous le tiendrons, madame. J'aurai l'honneur de vous épouser. Pardon. Vous m'épouserez et vous ne m'aimez plus? Cela n'y fait rien, madame. Cela ne doit pas vous arrêter. Allez, je vous méprise. Et je ne veux point de vous. Et le dédit, madame, vous voulez donc bien la quitter? Qu'entends-je, Lélio? Où est la probité? Monsieur ne pourra guère vous en dire des nouvelles. Je ne crois pas qu'elle soit de sa connaissance. Mais il n'est pas juste qu'un misérable dédit vous brouille ensemble. Tenez! Ne vous gênez plus ni l'un ni l'autre, le voilà rompu. Oh, fourbe. Consolez-vous, Lélio, il vous reste une demoiselle de 12 000 livres de rente. Ah, on vous a écrit qu'elle était belle, on vous a trompé, car la voilà. Mon visage est l'original du sien. Oh, juste au ciel. Ah, ma métamorphose n'est pas du goût de vos tendres sentiments, ma chère comtesse. Oh. Je vous aurais mené assez loin si j'avais pu vous tenir compagnie. Voilà bien de l'amour perdu. Mais en revanche, voilà une bonne somme de sauver. Je vous conterai le joli petit tour qu'on voulait vous jouer. Je n'en connais point de plus triste que celui que vous me jouez vous-même. Bon, consolez-vous, vous perdez d'aimables espérances. Je ne vous les avais données que pour votre bien. Regardez le chagrin qui vous arrive comme une petite punition de votre inconstance. Vous avez quitté les lieux moins par raison que par légèreté. Et cela mérite un peu de correction. À votre égard, seigneur les lieux, voici votre bague. Vous me l'avez donné de bon cœur et j'en dispose en faveur de Trivelin et d'Arlequin. Tenez mes enfants, vendez cela et partagez-en l'argent. Grand merci. Voici les musiciens qui viennent vous donner la fête qu'ils ont promise. Voyez-la puisque vous êtes ici. Partirez après, ce sera toujours autant de prix.